89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Sébastien Evgartien viendra nous faire son bulletin Gartin, petit retour sur l'actualité de la semaine dernière. Et Xavier Méclis sera avec nous pour une bonne partie de l'émission. Aujourd'hui, Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 29 mars 2017. Présentement, 7h33 le matin. Il reste 29 jours avant la fin de l'année scolaire. Pour de notre côté, on est en direct des studios de Tifou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin, en remplacement complet de Mathieu Plante. Depuis déjà une bonne semaine et demie, je dirais. Ça fait quelques temps maintenant qu'il nous a quittés pour se soigner. Alors, Mathieu devrait revenir d'ici quelques temps. On va continuer à toucher du bois comme ça, mais on ne sait pas encore quand ça va se produire. Mais pour nous, on tient à remercier déjà en partant Renard Frac pour le thème de l'émission qui a été remanié par lui. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à tout ça, vous pouvez aller sur le site internet de l'émission, c'est-à-dire assemblagerequis.com. Je vous ai parlé un petit peu du plan d'aujourd'hui à l'émission. Eh bien, c'est très simple. Sébastien Evgartien va être avec nous, comme je le disais, un petit peu plus tard. Il devrait arriver dans quelques instants. En temps normal, il est déjà avec moi en studio, donc j'imagine qu'il ne tarde pas trop, mais Sébastien va venir nous faire son bulletin Gartin, donc un petit retour sur un sujet de l'actualité qui a retenu son attention. Aussi, un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir avec nous Xavier Méclisch. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, les deux gars m'ont comme sauvé une grosse journée d'animation seule. Ils sont restés avec moi pas mal une grosse partie de l'émission. Alors, c'est ce qui va se passer aussi un petit peu aujourd'hui. On va pouvoir avoir comme ça plusieurs chroniques différentes. Et de mon côté, eh bien, je vais faire un petit retour sur quelques sujets qui ont retenu mon attention. Entre autres, après la pièce musicale qu'on va aller écouter, eh bien, on va avoir en théorie Sébastien Evgartien avec nous. Mais on devrait aussi entendre parler un petit peu plus tard dans l'émission de greffe de tête. Oui, du côté médical, on a fait des avancées qui peuvent nous amener justement à pouvoir faire quelques avancées comme celle-là, qui est à dire la greffe de tête. Mais avant ça, je vais vous offrir une pièce des Sœurs Boulay. En fait, c'est une pièce qui a été connue par une autre artiste d'abord. Je vais vous laisser deviner quelle elle est, qu'est-ce que c'est, et au retour, eh bien, je vous la présenterai. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous à Pélos, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. Pour que tu m'aimes encore, les sœurs Boulay. Pour ceux qui se demandaient d'où ça venait cette fameuse pièce-là, bien, l'original est de Céline Dion, en fait. Donc, je voulais vous l'offrir un petit peu ce matin parce que c'est une pièce qui a été refaite par les sœurs Boulay que j'apprécie presque plus que l'original. Et c'est une des seules que j'apprécie aussi des sœurs Boulay. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous l'offrir comme ça en début d'émission pour bien partir la journée. Mais sinon, avec moi, en studio, j'ai Sébastien Evgertin qui est arrivé comme ça sur un coup de vent. Sur un coup de vent de Céline Dion, ouais. Exactement. Ah, oh, c'était poétique. C'était de toutes les beautés. C'est ça. Moi, Seb, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans le bulletin cardin? Ben aujourd'hui, en fait, je vais encore parler du... Ça va être un bulletin éditorial aujourd'hui. Ça va être à propos du... je vais commencer avec le texte d'Andrew Potters dans le Maclean's à propos du fait que le Québec est une société aliénée puis tout ça. Ben ouais. Pour ceux qui écoutent, qui ont écouté l'émission de lundi, on en a déjà parlé. J'ai déjà pété ma coche là-dessus. Je vais prendre comme une autre direction. OK. C'est bon. Ben, est-ce que t'es prêt? Ouais. Ben, mon Dieu, on part ça là. Ah ouais, fort. Monsieur Potter. Ouais, Monsieur Potter. Le... Pas Harry, là, mais... Non, Andrew, ouais, Andrew. C'est ça. Le mononcle... le mononcle de la politique, c'est ça. Dans le fond, pour rappeler les faits rapidement, Andrew Potter, c'est le directeur du Centre d'études canadiennes de l'Université McGill. C'était, parce qu'il a démissionné, en fait. Suite à la tempête de la semaine dernière, du 19 mars, je crois. Je crois que oui. Allez. Oui. Bon, des gens qui ont été pris sur l'autoroute 13 là, pendant toute la nuit, là, qu'il n'y a pas de déneigement, qu'il y a un problème, puis bon, la vanne qui ne voulait pas se faire remorquer, puis tout le kit. D'ailleurs, basé sur des faits un peu faux, en fait. Oui. On l'a toujours pas su ce qui s'est exactement passé, l'histoire de la vanne qui voulait, le conducteur qui voulait pas être remarqué. Fait que c'est un peu flou, cette histoire-là, déjà. Il y en a qui disent qu'on a eu comme certains on étant le public, oui, a eu ça. Vent qu'il y aurait eu, qu'en fait, le conducteur de camion aurait été carrément arrêté pour entrave à je ne sais trop, je sais quoi la formule, c'est pas très important, en fait. Mais en même temps, c'est parce que ce qu'il y en a d'autres qui soulignent, c'est quoi, il ne voulait pas être remarqué parce que le problème, c'était juste qu'il y avait trop de neige, sa vanne fonctionnait très bien. Oui, c'était juste, venait déneiger, Caroline. J'ai pas d'affaire à payer 2000$ parce que ça coûte cher. Une vanne, c'est pas mal plus distant. C'est ça, c'est 2000$. C'était 2000$ que c'était pas écouté. Fait qu'on s'entend que. Mettons qu'on le comprend de pas avoir voulu. À cause que les travaux publics ont pas fait leur job. Ouais, exactement. Bref, ça pour dire qu'on fera pas le procès de ça aujourd'hui. On n'a pas les informations, anyway. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que suite à une tempête de neige, il y a eu une tempête de caca. Mm-hmm. Comme on dit en anglais, une shitstorm. Qui à propos d'un article, en fait, qui a été publié dans le magazine McLean's, qui est un peu comme l'équivalent, si vous connaissez l'actualité au Québec, le magazine L'Actualité. Oui. C'est un peu la même chose, mais au Canada anglais. C'est ça, ouais. En étant un peu plus ciblé vers les gens d'affaires. Mm-hmm. C'est un petit peu plus économique que L'Actualité, mais ça parle aussi de société puis d'un paquet de choses. McLean's, qui s'est fait toller par le passé en publiant des pièces, des brûlots contre le Québec, qui était éditorialement le Québec, c'est une société de merde. Ouais, quand même. Hein? Donc, on est dans le caca matin, je m'excuse. Je vais changer mon vocabulaire. Ah, oh, c'est correct. c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est ça. C'est que dans ce journal-là, Andrew Potter a publié une espèce de lettre d'opinion ouverte, là, une espèce de petit éditorial à propos du fait que le Québec est une société aliénée. Ben oui. Donc, ce que je disais lundi dans mon éditorial à la sortie de secours à votre gauche, c'est que, en fait, il a raison, le Québec est une société aliénée. Mm-hmm. Justement, pour. Si on reprend les très grandes lignes, là, sa thèse. Ouais. Il s'en découle qu'effectivement, les problèmes qu'on a vécu, c'est à cause que le privé s'est pas occupé de ce qu'il était supposé de faire. L'autoroute 13, c'est la seule autoroute au Québec qui est déneigée par une compagnie privée. C'était la seule que ça s'est retrouvé à ce point bloqué. Et la compagnie privée qui a eu le contrat de ça, on le répète, là, c'est la seule autoroute qui est déneigée par le privé. Toutes les autres, au Québec, c'est des employés du ministère des Transports. La compagnie qui a ce contrat-là, c'est des gros donateurs du Parti libéral du Québec, donc du gouvernement au pouvoir depuis une dizaine d'années. Donc, ça, c'est un beau signe d'effectivement, quand tu dis « oui, le Québec est une république de bananes », effectivement, ça, c'est un bel exemple, la situation en général. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'était plutôt à cause... le Québec est une genre de république de bananes à cause de... des espèces d'anecdotes par rapport, du genre apparemment quand tu vas dans des restaurants, tu te fais offrir deux factures, une si tu payes cash, une si tu payes avec carte. On s'entend, c'est pas arrivé depuis genre 15 ans, depuis que les restaurants, je veux dire, encore des places un peu plus sketch, mais je veux dire, les restaurants, la plupart, en fait, sont tous obligés à cette heure, si t'es un restaurant, t'es obligé d'avoir un système de commande qui fait que tu peux pas faire de facture en dessous de la table. Il y avait un paquet d'autres exemples comme ça qui étaient tous des trucs comme si t'habites au Québec, tu sais que c'est juste pas vrai. Fait que c'est basé là-dessus pour dire que le Québec est une société aliénée. Moi, je disais oui, il a raison parce que, présentement, quand t'es une grosse corporation, t'as plus de pouvoir qu'un simple citoyen, alors que ça devrait être le contraire. Puis c'est pour ça que j'en concluais que, il a eu raison, mais il a eu raison sur les très, très, très grandes lignes, mais il s'est planté avec tout le reste. Puis l'autre chose aussi, c'est que le Québec, c'est pas la seule société aliénée en Amérique du Nord, on va se le dire. Si on le prend de cet angle-là. Bref, où est-ce que je voulais en venir avec ça, en fait, c'est que ça l'a amené d'autres débats, en fait, parce que moi, j'ai un peu une relation amour-haine avec cette situation-là. Parce que ce que je me dis, c'est que, lui, s'est drapé dans son rôle de directeur du Centre de recherche en études canadiennes. Mm-hmm. On va spécifier, ça fait un an qu'il habite à Montréal. Avant ça, il habitait pas au Québec. J'ai pas vérifié il habitait où, parce que je trouve pas ça pertinent, anyway. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est ça. Fait que, donc, c'est les études canadiennes. On peut dire que lui, c'est un groupe de recherche, donc c'est un groupe de chercheurs qui étudient la société canadienne, autant sociologiquement, historiquement, ainsi de suite. Comme nous autres, à Trois-Rivières, à l'UQTR, on a un groupe de recherche. On a même des programmes là-dedans en études québécoises. Mm-hmm. Donc, c'est autant de la socio, de l'histoire, de l'économie, de peu importe ce que vous voulez. C'est ça, tu fais le tour, tu touches à tout. C'est souvent des départements qui sont multidisciplinaires, puis bon, ainsi de suite. Mais lui s'est drapé dans son poste de directeur de ça pour aller se donner une crédibilité pour parler contre la société québécoise. Ben oui, rien de moins. Lui-même s'est excusé par la suite de dire « Oui, je me suis basé sur des trucs très, très anecdotiques qui n'étaient pas vraiment fondés scientifiquement puis tout. J'ai un peu déshonoré mon rôle. » C'est pas même qu'il l'a dit, mais c'est un peu ça que ça veut dire. J'ai pas été à la hauteur du titre que je porte. C'est pour ça qu'il a démissionné de ce poste-là, d'ailleurs. Il est resté enseignant à l'Université McGill, mais il a démissionné du poste de ça. Puis là, ça s'est mis à répondre de tous les bords. Fait qu'on a eu un deuxième caca storm le premier caca, à propos du premier caca storm, qui était à propos de la snowstorm. Fait que ça fait beaucoup de tempêtes, c'est ça. Donc, beaucoup de tempêtes cette semaine. Ce qui s'est passé, c'est que là, bon, premièrement, dans le Canada anglais, il y en a qui ont dit, parce que lui-même s'est rétracté, il a dit « Oui, effectivement, je me suis un petit peu trop gâté sur mes conclusions là-dessus. Donc, ce texte-là, ben, j'en suis pas fier. » Et bon, beaucoup de choses que je voudrais oublier, là, tu sais. Ouais. Là, il y en a, dans le Canada anglais, il y a une frange de personnes qui... Pareil comme certains Québécois, peut-être utilisent certains immigrants, mettons, comme bouc émissaire, ben, il y a un certain nombre, je veux pas aller plus spécifique que ça, de gens qui peut-être considèrent un petit peu le Québec comme un bouc émissaire de la même manière. Quand ça va mal, c'est de la faute des Frenchies. C'est ça, exactement. Donc, il y a certains, entre autres, commentateurs assez connus qui font ça. Un bel exemple de ça, puis là, je vais en nommer un en particulier, c'est l'éditorialiste de la Montreal Gazette. C'est Don McPherson, qui est reconnu pour être lui-même pour quelqu'un qui est un Québécois, qui n'aime pas les Québécois. Ouais. À toutes les occasions qu'il y a de critiquer la société québécoise francophone, il n'en échappe pas une. Donc, qui sont allés défendre le fait que, ben non, il avait le droit de dire ça, il avait raison de le dire. Là, c'est sa liberté académique que l'on brime, ouais, on pourrait dire. Entre autres, il attaquait la direction de l'Université McGill, qui avait fait juste un post public pour dire quand ça a commencé, quand le texte a été publié, puis quasiment, ils ont fait « Wow, minute! » Ouais, c'est ça. « Wow, minute! » Tout de suite, le département des communications de McGill ont écrit, en fait, sur Twitter, le texte, on va juste spécifier, comme n'importe quand un enseignant, quand un employé de l'université écrit une lettre ouverte dans un quelconque média, ça n'engage que lui, ça n'engage pas l'Université McGill. Ils se dissocient de tout ce qui a été dit. C'est juste ça, ils font juste dire ça pour spécifier, pour pas se faire poursuivre après, si jamais il y a poursuite. Oui, exactement. C'est très logique. Là. Il agit pas en tant que représentant de l'Université McGill, il agit en tant que représentant de lui-même. C'est toujours ça quand un universitaire prend la parole en public. L'université, c'est le support qui lui permet de formuler ses opinions, mais ses opinions lui appartiennent. Donc, l'université se déleste de sa responsabilité. Là, ce que M. McPherson est allé dire, c'est que là, l'université, en disant ça, ben là, c'est qu'il brime sa liberté académique de dire ce qu'il veut, puis alors que c'est un peu le contraire. Ouais, c'est ça, au contraire. C'est que là, c'est ça. Bon, là, c'est devenu le carnaval de la mauvaise foi. Évidemment, à l'autre extrême de ce groupe-là, ben, il y a le parce qu'il n'y a pas juste McPherson, c'est une figure connue de ça, mais je veux dire, il n'est pas le seul. Il y a tout ce qui se compte de nationalistes québécois qui ont juste dit, bon, c'est bien, c'est encore les Angry Phone qui ont pas oublié qu'on est rendu en 2017 et que vous êtes plus des... Le rapport de Ram, c'est fini, puis revenez-en de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, puis tout. Fait que, tu sais, en gros, qui dit, ben, c'est ça, hein, on est supposé de faire les bons colonisés, puis dire, ah oui, les anglophones ont raison, puis bon. Fait que ça, c'est comme les deux extrêmes. Puis moi, là, c'était une grosse introduction, en fait, pour en arriver au fait que, bon, à l'origine, une autre anecdote très moins connue du public, puis ainsi de suite. Puis là, je vais dire probablement deux noms qui vont pas dire grand-chose à grand monde. Fait que je vais quand même un peu expliquer c'est qui. Martha Nussbaum, qui est une philosophe, qui est encore vivante d'ailleurs, qui est en éthique appliquée. Surtout, elle a développé certaines théories d'éthique appliquée qu'elle a pas inventées elle-même, mais elle les a beaucoup poussées pour les amener vers le féminisme. La théorie des capacités, entre autres, c'est super intéressant comme idée. C'est vraiment un d'ailleurs, soit dit en passant, si ça peut intéresser des gens comme ça, je dis en parenthèse, quelqu'un qui trouve que des fois le féminisme moderne est un petit peu trop militant et un petit peu trop parti tôt et bord, la théorie de Nussbaum, c'est assez, la théorie qu'elle a développée, c'est inventée par un économiste à base. Okay. C'est très intéressant, c'est les capacités que ça s'appelle. Capabilities en anglais. Donc, puis là, j'ai un blanc t'allais sur nous le présenter... ouais, c'est ça, nous ce que j'allais une autre personne. Ce que j'allais dire, en fait, c'est ça, c'est que... Puis là, j'ai complètement un gros space sur son nom. Ça fait vraiment très dur, mon affaire, parce que je me suis dit, c'est sûr que j'oublierai pas ça, je me le noterai pas. c'est pas grave. Prof au MIT, il a été assez connu, entre autres, à la fois un grand défenseur de l'anarchie et un grand défenseur de... Ça a été en fait, il a fait une théorie des communications qui est encore utilisée de nos jours, il y a 80 ans. Ça m'écœure. Ça va me revenir d'ici la fin de la chronique, sinon sûr. Je vais le retrouver. Mais c'est ça, qui était déjà connu dans le temps que Martin Nussbaum était à l'université. Puis lui-même, comme à peu près tous les gens qui ont étudié vraiment la linguistique, le langage, la philosophie du langage, ben, il y avait des problèmes de langage lui-même. Puis à un moment donné, il y avait une discussion avec Martha Nussbaum, qui était à l'époque son étudiante, qui disait, dans le fond, elle-même il disait, en tant qu'intellectuel, on dirait qu'on se sent obligé de rester dans le contexte universitaire, tu sais. On va toujours être mal cité quand on sort en public, puis tout. Et lui avait répondu non, en fait, personnellement, puisqu'il était déjà un prof émérite connu mondialement, puis tout. Il disait, personnellement, la seule raison pour laquelle je parle pas en public plus que ça, c'est que c'est à cause de mes problèmes de diction, en fait. Il dit que c'est le devoir, en fait, des universitaires de sortir du campus puis d'aller, tu sais, passer vos journées à étudier, à travailler sur des trucs, à inventer, tu sais, il faut que ça rejaillisse sa société en général. Puis en particulier, quand on est dans les humanités, dans le fond, autant les arts que la philosophie, que les sciences humaines, c'est un peu, on est un peu supposé d'être la... Puis je dis ça parce que j'étudie là-dedans, entre autres, là, j'étais en philosophie. Mm-hmm. On étudie, tu sais, on est supposé d'être un peu comme le retour réflexif de la société. Tu sais, la foi que... Ben, on fait tout ça dans la vie par rapport à notre vie à nous-mêmes. On s'assoit devant un miroir une fois de temps à autre, de manière figurative, puis on s'assoit devant un miroir, puis on repense à « bon, j'ai-tu bien fait de faire ça? Est-ce que ma vie s'en va du bord que je veux? » Tu sais, le genre de réflexion qu'on a tout un peu une fois de temps à autre, ben les humanités, c'est un peu la même chose, mais d'un point de vue plus général. Ouais, c'est ça. Fait que, a priori, dans l'univers, je serais d'accord pour qu'un directeur de département des études québécoises, surtout dans une université comme McGill, où il y a encore quand même une grosse tradition de, justement, des humanités, parce que McGill, c'est une université qui a beaucoup d'argent, puis les autres, ben, à cause des donations, puis un paquet de choses, mais... Non, encore, c'est tout un autre sujet, là. Mais c'est une université qui a quand même une bonne tradition dans les humanités, qui est pas, là, pas comme, mettons, comme certaines universités qu'on nommera pas, genre ici, pour qui les humanités, ben, c'est une gang de grévistes, puis qu'on en veut le moins possible. Mm-hmm. Tu sais, vraiment, de dire, bon, ça a une fonction dans une université d'avoir des départements des humanités. Puis ça, c'est un peu une division, d'ailleurs, qui est plus dans le Canada anglophone. Nous autres, on va voir, ben, tu sais, il y a un département de philosophie, un département de, bon, psychologie, tu peux peut-être le compter là-dedans, même si à cette heure, c'est plus sciences de la santé. On n'a pas de sociaux, on n'a pas de, bon, différentes choses comme ça. C'est vrai? On a à la limite, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est les gens qui font un bac communication sociale, qui sont dans le côté plus théorique de la chose, mettons ceux qui vont aller faire des maîtrises et doctorats. Là. Parce qu'il y a les deux branches un peu dans notre bac en communication ici. Là. Il y a le côté plus appliqué puis le côté plus théorique. Mais c'est ça. Bon, on en a beaucoup moins ici, tandis que c'est ça. Fait que on aimerait ça. A priori, en général, le problème, c'est que il y a une déconnexion quand même qu'on peut constater des universitaires par rapport à le monsieur, madame, tout le monde. Il y a comme un gros gap, mettons, présentement. C'est-tu parce que monsieur, madame, tout le monde s'informe pas assez? Il y a peut-être un peu de ça. Je veux dire, on s'entend, et au Québec en particulier, on est vraiment pas fort sur le fait de juste lire des essais essais. Ce qui est une tradition qui a un peu plus à d'autres endroits, mettons comme en France, monsieur, madame, tout le monde lit des essais une fois de temps à autre, ne serait-ce que pour s'informer. En tout cas, prétend lire des essais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout un autre débat là encore. Ils font peut-être pas, voir le livre de Normand Baillargeon, Liliane est au lycée, là. C'est un peu là-dessus, là, sur la pseudo-intellectualisme de la société française, mais bon. Puis du fait qu'il faut pas prendre ça en exemple ici, si vous lisez des trucs, lisez-les, mais faites pas semblant de les lire. C'est ça. Ça, c'est une autre chose. En même temps, c'est ça. On voudrait que les gens qui passent leur journée, qui gagnent leur vie à réfléchir aux grands problèmes de société, à ces choses-là, prennent la parole en public plus souvent. Ça permettrait aussi, entre autres, à ce que le débat public en général, tu sais, nos politiciens là, qui se crêpent le chignon sur les questions partisanes puis tout, bien, si on avait des intellectuels à qui on fait confiance et on peut faire confiance, qui arrivent et qui disent « Non, quand que tel ministre dit telle chose, c'est de la bullshit. Il n'est pas au courant de ça. Il y a un sous-ministre qui a mal fait sa job, qui a mal informé le ministre, ou c'est de la partisanerie. Ouais. » Ben, à un moment donné, la partisanerie, il y en a une bonne partie qui disparaîtrait. Ça nous rendrait peut-être un peu moins cyniques par rapport à notre classe politicienne. Fait que, bref, d'un côté, comme je dis, je pense que c'est une fonction importante. Personnellement, je vais me considérer un peu, même si je n'ai pas le même statut qu'Andrew Potter, par exemple, on s'entend, je suis rien qu'étudiant en maîtrise, mais je travaille sur ces sujets-là. Puis ce que je fais quand je viens devant le micro ici à radio, soit le mercredi avec Assemblage requis, ou lundi quand je fais mon émission avec mon collègue qui est aussi philosophe. Première plug. Première plug. En fait, c'est pas mal ma troisième. Ouais, c'est juste qu'on l'a pas relevé avant. Mais c'est un peu ça que je fais, en fait. L'idée, c'est que je passe mes journées à réfléchir à certains problèmes de société. Dans mon cas, moi, c'est l'immigration, mais je veux dire, je touche à d'autres affaires à cause de ça. Je viens essayer de dire, d'amener ma maigre contribution au débat public, de dire, ben regarde, quand il se dit telle chose en public, sachez que c'est pas vrai. Non, c'est ça, la donner vérité, de l'information, tu sais. Hein, c'est fait que c'est ça. D'un autre côté, ce que je commençais à dire avec la déconnexion de certains intellectuels présentement, c'est que d'un côté, oui, puis il ne faut pas mettre toute sa faute de monsieur, madame, tout le monde qui ne s'informe pas nécessairement. Je les comprends que ça ne leur tente pas tout le temps. La game universitaire, on va vraiment le dire comme ça, n'est plus ce qu'elle a déjà été. Non, c'est vrai. Puis c'est ça, c'est rendu très, très académique, le publish or perish, les textes sont rendus de plus en plus obscur, c'est rendu jusqu'à certainement une qualité, le fait d'être difficile à lire puis le fait d'être aride. Ce qui fait que, ben, moi, je veux dire, je suis pas quelqu'un, mettons, dans un monde parallèle, je suis devenu mécanicien, peut-être. Ouais. Je m'informe moins. J'ai peut-être pas le goût de me mettre à aller lire des journaux spécialisés puis de lire ça puis de me dire, mon Dieu, c'est bien plate. Tu sais, qu'il faut que t'ailles un bac pour comprendre ouais, ce que exactement. Tu lis, là, ben, tu sais, ça te tente un peu moins. Fait que c'est ça, c'était une genre de réflexion comme ça que je voulais amener. Mm-hmm. J'avais moins le point dans les airs que je m'attendais, mais c'est pas mal ça. Ben ça fait le tour de ce que tu voulais dire, c'est parfait. C'est ça, exactement. Écoute. Mais on te remercie déjà en partant pour toute cette information, comme tu l'as si bien amenée. Et est-ce que tu restes avec nous? Parce que je sais que tu avais le questionnement un petit peu plus tôt à savoir. Je vais rester jusqu'à, mettons, 8h30-9h. Ah! C'est bon, ça. Juste à temps pour que tu puisses aller déplacer ta voiture qui est dans le stationnement où il faut que tu quittes. Ouais, dis-le pas en onde, s'il te plaît. C'est ça. Non, les agents de sécurité, de toute façon, ici, ils n'écoutent pas la radio. Bon point. Donc, au retour de la pause, eh bien, ça va être Xavier Méclich qui va être avec nous. Et un petit peu plus tard, eh bien, il y a Fred Simon aussi qui va se joindre à nous pour venir nous parler de l'improvisation. Parce que la semaine passée, tout seul, ça avait l'air un petit peu cave de parler tout seul. Fait que j'ai invité un ami pour qu'on en jase à deux. C'est parfait. Fait qu'on va en parler à deux après la pause. Tout ça après la pause. Salut. À Assemblage requis. À tantôt. À tantôt. C'est fou. 89. Vous êtes toujours en onde à Cifou 89.1 FM pour l'émission Assemblage requis. J'ai toujours avec moi Sébastien F. Gertin et Salut. Xavier Méclich. Bon matin, les gars. Bon matin. Merci de venir remplir mon mercredi comme ça. Je pense que c'est la journée la plus occupée de toute ma semaine. Je pourrais le faire tous les jours, mais j'ai des cours. Ah, c'est ça la différence. C'est pour s'instruire. Moi, j'ai terminé cette étape-là. Xavier, ce matin, en temps habituel, tu viens nous parler de l'improvisation. Oui. Sauf que là, on va attendre ton ami, Fred. Fred. Mais non, ça fait quelques semaines, je trouve ça cool de vous parler de petits trucs utiles. Exactement. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de petits trucs utiles pour le monde en résidence. Oui. Semaine, vu que l'été arrive puis que ça sent les road trips dans l'Ouest canadien. T'as écouté mon émission, hein, toi? Non, petits trucs utiles pour partir en voyage. Ça, on adore ça. Alors, tu mets-tu une petite intro, non? Ben, c'est ça, là, elle joue derrière, okay, là, t'entends pas. C'est bon. Non, je l'entends pas vraiment. OK, ben, je peux te la mettre plus fort, si tu veux. Ah, non, OK, je l'entends. Merci. Donc, quand tu peux... Mais là, le monde à la radio entend juste la chanson. C'est ça, je dis, là, j'ai fait l'intro, là, tu peux y aller. OK, c'est bon. Donc, combien de fois, quand on revient de voyage, cette situation-là, où tes souliers sont pleins de terre, de sable, puis là, tu salis tous tes vêtements? Ça arrive quand même assez souvent. Ça arrive souvent. Moi, je pense que tu veux pas que tu portes tes souliers. Ouais, dans ouais. Dans tes pieds, tu marches à terre. Oui. Je te propose de mettre un casque de bain en dessous de... Un casque de douche, là. Oui. Tu mets ça, t'emballes tes souliers dans ton casque de douche. OK. Comme ça, la terre reste dans le casque de douche et tes vêtements sont propres lorsque tu arrives en voyage. En pour plus, la mettre dans la valise, tu parles. Ben oui. Ah, puis en plus, ça, ils donnent des chambres d'hôtel. Fait que tu sais, si tu te payes un motel avant de... Avant de revenir. Là. C'est ça. Ben, ou tu t'achètes un à 25 cents au Dollarama. Aussi. Aussi. On est des fois on va dans des hôtels, des clubs Med, tout ça. Puis c'est pas toujours facile de s'adapter aux prises de courant. Non, c'est quand vrai. Tu changes de pays. Sachez que devant maintenant les télévisions HD, il y a toujours une prise USB. Ah, pour vrai? Et lorsque la télévision est fermée, elle charge les cellulaires. On adore ça. Voilà, donc plus besoin d'aller, exemple, t'es en République Dominicaine, puis la prise c'est 220 volts, donc ça va sauter ton cellulaire. Ouais, plus besoin ça. D'aller voir le petit gars d'hôtel qui parle espagnol que tu comprends pas un mot parce qu'il court partout. Pour demander une prise. Moi, ça, je le fais, ça, ce truc-là, mais à l'école. Okay. Je trouve ça déplaisant, surtout en période d'examen, de traîner mon Christi gros coffre à crayons. Ouais. Les anciennes, moi, je porte des lunettes dans la vie depuis que j'ai 11 ans, fait que ça fait maintenant un an. Je mets des crayons dans un vieux coffre à crayons. OK. Dans un vieux coffre à lunettes. Un coffre à lunettes, mais oui. Ça va être utile pour tout. Transporter des fils pour pas qu'ils se mélangent. Pour transporter de la crème solaire. Tu sais, ça se transporte bien. T'sais, tu mets ton... Au lieu d'avoir... T'as juste ton cup à lunettes. Voilà. C'est une bonne idée. Pis en plus, quand t'achètes tes lunettes, t'en donnes tout le temps à 8. Là. C'est vrai, hein? C'est comme... Ah, 15, là, un perks. Prends-en. Au cas où on t'en donne 6. Il ouvre le tiroir, puis ça déborde. C'est comme... Oh non, je n'ai 7 à te donner. Te faire à croire qu'il te charge pas une fortune. Ouais, exactement, de plastique. C'est ça. Là, moi, il faut que j'avoue quelque chose. Je suis un profiteur dans la vie. T'es un profiteur. Mais je suis un profiteur quand ça coûte rien à monsieur, madame, tout le monde. Okay. J'ai un exemple. Moi, chez Domino's Pizza, je mange 2 pizzas pour 10$, mais 2 14 pouces. OK. Parce que je connais le truc pour que ça coûte pas cher. Je suis un profiteur comme ça. Quand ça perd de l'argent à des multinationales, moi, ça me dérange pas de le faire. Et je profite du système que, tu sais, quand tu vas dans les galeries de la capitale, moi, Québec, là, ici, oui. Je vois ça, les rivières, il y a comme des stands à parfums puis à shampoing, là. Ben oui. Ils te donnent toujours des petits échantillons de tous les parfums du monde. Tous les shampoings du monde, ils te donnent ça comme dans des petits sachets. Oui. Ben, amène ça en voyage, prends ça le plus possible, puis que ça prend vraiment pas beaucoup de place dans ta valise, puis t'as du shampoing, pour vrai, pour 10 jours, là. C'est vrai. Ben, les pharmacies aussi, ils font ça si ta blonde va souvent en pharmacie ou ta mère va souvent en pharmacie. Côté esthétique, là, puis des fois, tu peux aller leur demander un échantillon bien précis. Fait que tu peux avoir, te ramasser comme avec 12 échantillons de la même chose, puis tu pars juste avec tes échantillons, c'est parfait. Hey, on était en 2017, les gars aussi mettent du fond de teint des fois. Oui, c'est vrai. Mais pour ils cacher, donnent rarement des échantillons de fond de teint. Non, mais le gars, tu sais, qui a les cheveux longs en été, puis qui passe un tour cheveux longs, puis qui décide de se raser à la fin de l'hiver, à la fin de l'été, puis qui a sa ligne de démarcation blanche. Ça me fait toujours rire. Tu vois que le gars, il s'est rasé à la fin de l'été, pas au début. Voilà. C'est vrai. La barbe aussi, ça fait le même mais concept. Mais c'est qu'il se rase à la fin de l'été. Je veux dire, t'attends l'automne, avant, t'attends d'avoir à mettre une tuque avant de te couper à la tête. Ouais, en non. Couper à la tête, oui. Couper à la tête. Coup de casse que j'ai fait. Hein? Jeanne d'Arc a pas attendu à la fin de l'automne. Bon. Ils l'ont brûlé, elle. Et là, sinon, tu sais, les brosses. Même chose pour ne pas salir sa brosse à dents en voyage. Les tic-tac. Oui. Tu sais, ça rafraîche à l'aine. Ben là, ça te lave pas les dents. Non, mais tu mets ta brosse à dents comme un protège pour protéger les Okay, tu mets ta brosse à dents dans le trou de la boîte de tic-tac. Donc, ça donne le même effet qu'un protège brosse à dents à 2$, mais pour 99 cents chez Dollarama. OK, on remplace pas la brosse à dents par les tic-tac, là. Non. Tu mets la brosse à dents dans la boîte à tic-tac vide. Okay. En plus, c'est des bonbons. Je veux dire, t'as besoin de te brosser les dents après ouais, à manier parce que... Ouais, c'est ça. Fait que t'as la brosse à dents dans les tic-tac, tu brosses, tu remets ça là-dedans. C'est yes, parfait. Sir. Il y en a plein d'autres, des trucs comme ça. Comme quand tu pars en avion, oui. T'amènes un Ziploc, puis tu télécharges des films sur ton iPhone. Jusque là, ça va? Oui. Tu sais, les tables d'avion là, ou de train, tu insères j'essaie de l'expliquer. Il y a comme une espèce de petite attache c'est qui retient, tu sais, la ouais, table la qui est dans le siège en arrière. Ouais, qui tu, est peux, tu rentres ton cellulaire dans le Ziploc que tu fermes. Oui. Tu squeezes ton Ziploc dans la patente qui tient ta table. Ouais. Et là, tu peux écouter ton film genre à côté. Parce OK, sans avoir à tenir ton téléphone. iPhone parce qu'il est pogné dans le banc d'en avant. Prière d'utiliser un Ziploc propre, c'est-à-dire pas un qui a servi qui te servait à mettre ta brosse à dents dedans jusqu'à temps que t'aies l'idée du tic-tac. T'as un petit peu de pâte à dents dans ton dans le nez du gars des Scott. Ouais. Ok. Bon, des frères Scott. sinon, moi là, je suis un médicamenté, là, comme on dit par chez nous, et ces gars s'entraîner ses pots. Donc, pourquoi pas faire un seul pot de médicaments avec tous des médicaments? À un moment donné, tu sais ce que tu prends aussi, là. Oui, c'est vrai. Donc, tu sauves de l'espace. Ouais, c'est le fun quand ils sont pas de la même couleur, mais par exemple... c'est ça. Si t'as rien que des petites pelules blanches pis rondes, t'es dans le chenoute un peu. Ouais. Ben, si tu prends juste Tylenol pis Advil, t'es pas obligé de faire ça non plus. Tu peux prendre une boîte de tic-tac pis la fermer. Exactement. Maintenant, il y a une information que vous devez savoir. Le truc, en ce moment, pour partir en voyage à moindre coût. Oui. Et j'ai vu ça dans plusieurs endroits. Tu décides ta destination. Donc, moi et Tania, on décide qu'on part où? Tania, on part où? Je sais pas, moi, Mexique. On part au Mexique. Et là, on se donne une date sans avoir d'hôtel ou de but. On dit, on part le 25 mai. OK. Exemple. C'est l'exemple que je donne. Deux semaines avant. Je parle pas de... Pas 15 jours, pas 16 jours. 15 jours avant, c'est le moment le moins cher pour réserver tes billets. Ouh, OK. Donc, tu choisis ta date, tu choisis ta destination et cette journée-là, tu achètes tes billets 15 jours au préalable. Sinon, c'est 3 jours avant. Je trouve ça un peu tight. Ouais, c'est donc, très c'est tight, 15 ou 3. Ben, même ça, c'est une sorte de faire un parallèle. Là. 3 jours avant, mais tu te dis, tu t'achètes. Il y a un truc, je connais des gens qui font ça, en fait, quand ils se payent des vacances. Là. C'est que, bon, dans les avions, vu qu'on s'entend, c'est tout le temps des gros chiffres, ils vont tout le temps booker un petit peu plus. Ouais. Puis des fois, il y a plus de monde qui se pointe pas que ce qui était attendu, ce qui fait qu'il y a des places de lousse dans les avions. Exact. Fait que des fois, pour les rentabiliser, ce qu'ils font, c'est que tu vas juste chiller proche des terminales, puis ils vont te... Tu sais, dans le fond, le plus loin que tu peux te rendre sans avoir de billets, dans le fond. Puis les compagnies vont comme passer des annonces de « Ah ouais, en passant, on vous offre... dans le fond, ce billet-là, mettons, l'avion, là, il faut qu'il part dans une heure. » Puis, il reste quatre places dedans qu'on veut combler. Fait qu'on fait le billet vraiment pas cher, mettons, question de au moins pas tout perdre. Mais là, tu sais pas ce que tu peux te ramasser. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que là, tu te fais des valises très, très générales. Puis on s'attend que tu pars pas un mois comme ça. Là. C'est non, pas non. Une fin de semaine, mettons, un truc comme ça. Là. Mais pis ça, je connais du monde qui font ça. C'est leur manière. Ça leur coûte rien. Des fois, ils ont un billet d'avion pour aller en Europe qui va leur coûter 500$. J'avais entendu dire aussi le mardi à 3h exactement. Apparemment que c'est la journée où les billets d'avion sont le moins chers. Fait que vous te prévois 14 jours avant un mardi à 3h. C'est ça. Et je finis avec un petit truc pratique, le fun. Google a inventé maintenant une application où tu peux faire tes propres trajets à pied en auto, où tu prévois des points d'intérêt et tu peux t'enregistrer ça. C'est vraiment pratique parce que tu peux voir où est-ce que tu s'en vas. Si tu prends par exemple le Costa Rica, tu vois tous les points d'intérêt du Costa Rica, tu vois les distances avec ton hôtel, comment tu rentres, comment tu peux te faire. Et ça, en les enregistrant, tu peux te préférer tes points d'intérêt et donner tes cotes aussi sur ce que tu as vu à tes notes personnelles. OK. Fait que tu peux dire, ah, moi j'ai plus aimé ce style-là. Fait qu'après ça, il va te référer Google à d'autres styles d'attraction dans les autres pays où tu vas aller. Tu peux faire des trajets, que ce soit à la marche, dans les bois, tu peux te créer des sentiers à travers le bois, parce que tu le sais qu'il existe, mais il n'est pas existant sur Google. Donc, tu peux prévoir tout ce qu'il te faut avec tes trajets Google. Puis, si tu te connectes à n'importe quel ordinateur, tu rentres ton mot de passe, tu retournes dans ton map et il existe ces plans-là. Donc, c'est Google Plan, P-L-A-N. Dans le fond, c'est le bon vieux Google Maps, c'est juste qu'on a rajouté des fonctions. C'est ça, exactement. C'est ça, exact. C'est quoi, je connais pas ça. Ah, tu parles de Google Maps, quand même. Oui, c'est Google Maps, mais c'est une nouvelle fonction. Voilà, aussi simple que ça. Ça ressemble à ça. Ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour. As-tu vu à quel point t'as terminé en même temps que le thème musical? Oui, c'est parce que je le voyais le temps. C'est fou. Ah non, c'est prévu. C'est prévu, hein. Moi, je suis un gars de timing. Tout est dans tout, comme on dit. Exactement. Ça veut dire qu'on va attendre encore un petit peu Fred Simon avant de parler des pros. Mais je vais vous offrir une pièce du palmarès anglophone, les gars. Ça va être Eat de Lush. Voilà. Merci. Du groupe Heat, une pièce du palmarès anglophone que j'adore. On l'a entendu à quelques reprises, mais quand même, je voulais vous l'offrir ce matin. Et tout à l'heure, on discutait, Sébastien et moi, on ne savait pas trop si Seb allait rester ou s'il n'allait pas rester, s'il allait rester, qu'est-ce qu'il allait nous dire et tout ça. Et t'as trouvé de quoi t'allais nous parler? Ben oui, en fait, c'était une affaire que je gardais dans ma besace depuis un petit bout. Il me semble que ça l'utilise, la semaine passée, t'as utilisé la même chose comme « Ah, ça fait longtemps que je vais en parler, mort, ouais, mais tu sais, ça, là, c'est plus tu fais de radio, plus tu te fais une banque de ce que tu pourrais parler à un moment donné. Tu t'en vas en chose. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis tu sais, j'ai un peu le normalement, assemblage requis, veux pas, j'étais un petit peu normalement le chroniqueur actualité politique, oui, ces affaires-là. Fait que tu sais, les affaires outside. C'est le gars que le monde change de poste, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. Mais non, le gars plate qui parle des élections. Non, c'est ça. Fait que, une fois de temps à autre, ça me fatigue. Il y a des affaires que je me disais, ah, ça serait le fun de parler de ça en nombre, qui sont un petit peu out of my usual box. Puis ce coup-là, en fait, c'est ça, j'ai décidé de parler de la matrice. OK. Parce que, bon, là, les nouvelles générations, comme Xavier, entre autres, qui sont nées après l'an 2000... Exactement, 12 n'ont ans. Pas, n'ont pas nécessairement vu ce film-là, mais en ont peut-être entendu parler. Probablement. Mais c'est le mix entre Tetris puis autre chose. Là. C'est un film où t'embroises du monde. Ouais, il y a des matelas puis Tetris. C'est okay. ça. Ouais, okay, c'est ça. Non, c'est... Can you read? C'est qui? Non. Eh hey boy. Pourtant, il a pas vieilli, Kenny. Non, c'est ça. Il a encore l'air de la même affaire. Justement, il y a une théorie qui circule comme quoi, en fait, Keanu Reeves est un vampire. C'est pour ça qu'il vieillit pas. Parce que vous regardez des photos de Keanu Reeves dans ses premiers films dans les années 90, vous regardez des photos de Keanu Reeves dans John Wick, qui est sorti l'année dernière. Bon, il y a la barbe, ouais. Mais à part de ça, il a l'air d'avoir le même âge. C'est fou, hein? Moi, d'après moi, il met beaucoup de crème. Peut-être. C'est pour ça. Il doit mettre de la crème avant d'aller se coucher, ce gars-là. Ou il a la même maladie que moi, c'est juste qu'il vieillira jamais. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça se peut, ça. Peut-être que lui aussi, à sa vingtaine, il avait l'air d'un gars de 12 ans. C'est ça. Ou peut-être que, justement... Même des fois, faut qu'il mette un béret pour avoir pas à se faire carter. C'est ça. Keanu Reeves se fait carter. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui ont écouté La Matrice, qui ont trouvé ça bon. Mm-hmm. Tu sais, c'est un bon film d'action. Tu sais qu'il y a de quoi comprendre là-dedans. Des fois, oui. Tu te dis, qu'est-ce que je devrais comprendre de ça? Ouais, vraiment. Parce que, on va se le dire, ça a été fait par à l'époque, c'était les frères Wachowski. À cette heure, en anglais, ils ont un mot pour ça, c'est les siblings, parce que c'est plus des hommes. Ah, d'accord. Il y en a un des deux qui est devenu une femme. Ah. Vraiment, changement oui, okay. de sexe, tout le kit. Puis là, l'autre a décidé d'être genre queer. Pas trop compris le okay. deuxième. Attends. Fait que là, avant, c'était les frères Wachowski. Maintenant, puis vraiment, vous écoutez la première matrice, puis c'est Wachowski. Oui. Tu sais, A Film by the Wachowski Brothers. Puis là, ben, c'est rendu. The Wachowskis. Oh, OK. C'est tout. Bref. Ils ont mis un S. Ouais, en anglais, tu mets les noms propres au pluriel. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, ces Wachowskis-là, eux autres même, de leur propre aveu, sont très, très bonnes / bons. Ouais, pour, c'est ça. pour faire des... cette chronique-là va être difficile, je pense. ont un talent particulier. Exactement, va changer de forme de phrase à la place. pour avoir des scènes qui punchent, avoir comme des inspirations de « Ah, cette scène-là puncherait ouais. tellement, cette twist-là puncherait tellement. » Leur défaut, c'est un peu de faire la trame de l'histoire, dans le fond. Mm-hmm. Dans quoi ça s'insère, mettons. Fait qu'ils ont les moments, mais ils n'ont pas nécessairement la trame. Ce qui fait que, bon, dans le premier film de La Matrice, tu vois qu'ils ont pris... Ça faisait longtemps que l'idée leur était dans la tête. C'était d'ailleurs le moment où ce que le grand public les a découverts. Par contre, les films suivants, mm-hmm. La Matrice... Oui, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est ça, il y en a eu trois, en fait. Là. Il y a eu La Matrice de base, qui devait être un stand-alone, mais qui disait qu'il y avait déjà un peu leur idée quand ils l'ont fait, d'où ce qu'ils voulaient que ça s'en aille. Et il y a eu, suite à l'immense succès du film en 99, en 2003, il y a eu les deux suites qui sont sorties à 6 mois d'intervalle, qui ont été tournées en même temps. OK. Qui sont Matrix Reloaded oui, c'est et ça. Matrix Revolutions. Mm-hmm. Donc, dans le fond, pour comprendre les deux suivants, parce que généralement, le premier est relativement bien compris, surtout si vous avez eu un cours de philo au cégep. Oui, quand même. Hein? Souvent, les cours de philo vont prendre La Matrice en plusieurs exemples. Exactement, parce qu'il y a deux gros concepts de philo de base, là, de la connaissance générale en philo, qui sont que La Matrice, en fait, est une métaphore de ça. Oui, exact. Desquels La Matrice est une métaphore. Le premier de ça, pour comprendre, bon, l'idée de la matrice, on va le dire, pour les gens qui ne l'ont pas vu, la matrice, c'est un immense ordinateur. Dans le fond, l'idée du film, c'est que l'humanité, dans le fond, on a l'impression que ça se passe en 95, mais ça se passe en 2280. En fait, ouais, ils disent qu'on ne sait même plus tellement c'est quelle date. L'humanité est asservie par les intelligences artificielles, un genre de scénario à la Terminator. Et l'écrasante majorité de l'humanité, en fait, n'est plus. Puis comme le dit le speech, là, qui est un peu le tournant du film, les humains ne viennent plus au monde. Ils sont... on les fait pousser, en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Dans le fond, les humains sont des... La majorité de l'humanité, c'est des espèces de clones qui sont branchés sur une machine de réalité artificielle qui est la Matrice. Et les machines se servent de l'influx électrique des cerveaux humains comme source d'énergie. Donc, fait que ça, c'est comme un peu la base du film, là, la prémisse. Fait que là, à travers de ça, il y a Neo, qui est joué par Keanu Reeves. Exactement. Qui est une espèce, lui, est un peu une espèce d'anomalie. Quand il se reconnecte dans la matrice, lui, il a des pouvoirs que les autres n'ont pas. C'est un genre, dans le fond, il l'appelle l'élu aussi. Mm-hmm. Puis Neo, c'est un anagramme pour The One, tu sais, One. Mm-hmm. Puis Neo, ça veut dire nouveau aussi, c'est en latin. C'est la racine qui veut dire nouveau, là. La racine latine qui veut dire nouveau. Donc, c'est ça. Mais là, vous vous dites, OK, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Bon, en gros, Neo apprend qu'il vit plugger sa machine, se déplugue, va vivre avec la résistance, les humains qui résistent à ça, dans exact. Le fond, dont certains ont déjà été branchés, fait qu'ils peuvent encore se rebrancher dedans comme de manière pirate, entre guillemets. Mm-hmm. Puis là, ils combattent les agents dans la matrice, qui sont un peu l'espèce d'antivirus de la ouais, matrice. Ça, entre autres, joué par Hugo Weaving, l'acteur qui ne joue que dans des trilogies. C'est fou, hein? Il est dans Seigneur des Anneaux, entre autres, il joue Elrond, là, pour ceux qui... il a une drôle de face, un peu. Ouais. C'est ça. Lui, il joue l'agent Smith, qui est l'agent principal, qui éventuellement devient l'ennemi principal. La première matrice, comme je disais, le premier film, il y a deux choses à voir là-dedans. Premièrement, l'allégorie de la caverne de Platon. Si vous avez fait un cours de philo au cégep, il y a des bonnes chances que votre prof ait fait allusion à ça. En fait, c'est la seule théorie qui est obligée d'être enseignée au cégep. Toutes les autres, c'est au choix des profs. Mais l'allégorie de la caverne, la théorie des idées de Platon qui vient un peu avec, faut l'avoir vu au cégep. Donc, l'allégorie de la caverne, en gros, qu'est-ce que c'est? On va le rappeler rapidement parce que c'est pas tout le monde qui écoute dans ses cours de philo au cégep. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de philo. Ça fait longtemps. La quoi? L'allégorie de la caverne. Ouais, c'est ça, à 12 ans, t'es... On va te donner de l'avance. Moi, j'ai vu la caverne d'Ali Baba et les 12 voleurs. Ah, c'est ça, ça sent... Fait que je tenterai d'être bref. En gros, ce que Platon dit, c'est que mettons, quelqu'un qui se bâche sur ses préjugés puis son expérience, c'est un peu comme quelqu'un qui est enchaîné dans le fond d'une caverne puis qui voit des espèces d'ombres sous le mur, qui pense que ces ombres-là, c'est la réalité. Fait que la matrice, c'est vraiment ces ombres-là sous le mur. Et quelqu'un qui s'extirpe de cette caverne-là, qui réussit à briser ses chaînes et qui sort de la caverne, qui voit le soleil, dans le fond, le soleil qui représente un peu Platon va dire l'idée... ce qui permet un peu de voir toute la réalité, c'est l'idée du bien qu'il appelle. Exact. C'est un peu le soleil dans ce qu'elle lui appelle son monde des idées. Les idées, c'est la compréhension parfaite, dans le fond. Mettons, l'idée d'un cheval, c'est la compréhension parfaite de ce qu'est un cheval. Mm-hmm. Tu sais, c'est même pas la définition du dictionnaire parce qu'elle même a des limites. Non, c'est ça. C'est vraiment la compréhension parfaite. Puis Platon prétendait vraiment qu'il y avait comme une espèce de monde à part où qu'on accède par notre intellect puis qu'on faut pas se fier sur notre... Bon, je veux pas rentrer dans les détails de ça, mais tout ça pour dire que Neo, c'est un peu cette personne-là qui s'extirpe de la caverne et qui se rend compte que, ouais, mais tout ce que vous voyez, c'est des ombres chinoises qui se reflètent sur le mur. Puis il y a des genres de génies malfaisants là, qui profitent de votre incompréhension là, puis qui font ces ombres-là sur le mur pour vous distraire de la réalité. Dans ce cas-là, ben c'est les machines qui font ça. Exact. L'autre chose pour comprendre un peu le but de la matrice, c'est tout le monde a déjà entendu ça maner, je pense donc je suis probablement la phrase la plus célèbre de la philosophie un peu plus récente. C'est René Descartes qui a dit ça. René Descartes, c'est un philosophe français du en fait, je me rappelle bien, il est d'origine suisse, mais il était connu en France. Ben, je pense que oui. Il est francophone de toute façon. Descartes, qui, lui, dans le fond, il se disait, il a vécu à une époque où la science commençait à prendre le pas sur la religion, par rapport à l'explication de comment le monde fonctionne. Descartes, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il dit, parce que là, c'est un nouveau, on arrive dans un nouvel univers, dans le sens que c'est la science qui explique les choses à cette heure, c'est plus les prêtres. Donc, il dit, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre l'univers, pour éviter les préjugés puis tout, pour vivre parfaitement rationnellement, faut qu'on se détache de tout ce qu'on sait et qu'on accepte seulement que les connaissances qui sont fondées. Donc lui, ce qu'il dit, il se met à douter d'absolument tout ce qu'il voit. Donc c'est un peu le processus que Neo vit, de dire j'apprends à douter de ce que je vois quand je suis plugué dans la matrice parce que je sais parce que ça peut être de l'illusion dans le fond, puis effectivement ça naît dans ce cas-là. Puis ce que Descartes va dire, il dit c'est même au point qu'il faut douter même de même les trucs de base comme les mathématiques et ces choses-là, faut en venir à en douter même de ça parce qu'il dit 1 plus 1 égale 2 pour moi. Mm-hmm. Mais peut-être qu'en fait, il y a une espèce de malin génie. Lui, il appelle ça un malin génie. Une espèce de démon là, qui nous fait douter de ce qu'on... De même de ces choses-là. Puis Descartes en vient à dire, la seule chose que je peux savoir avec certitude, c'est que je suis parce que je pense. Donc, exact. Je pense, donc je suis. Il y a quelqu'un qui se pose ces questions-là. Fait que la matrice, c'est un peu la métaphore de ça, de cette espèce de malin génie-là qui nous ment sur certaines choses. qui fait qu'on devrait douter de ce qu'on voit et de ce qu'on pense. Puis même en philosophie très très pointue et académique, il y a une expérience qui est une expérience de pensée qu'on appelle. C'est-à-dire, en gros, c'est que tout le temps quelque chose qui commence comme « admettons que », puis là, ça crée un débat philosophique sérieux. C'est souvent des trucs un peu loufoques. Ouais. On l'appelle le cerveau dans la cuve. Ça a été, en fait, cette expérience de pensée-là a été développée beaucoup avant que la matrice même que le scénario soit écrit. Mais c'est un peu le même principe. Cerveau dans la cuve, c'est vraiment, admettons qu'on ait des cerveaux en dehors d'un corps, puis qu'on est juste plugué dans une machine de réalité virtuelle, la même affaire que la matrice. Fait que, en gros, c'était pour dire, dans le premier film, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans le film, ben en fait, c'est que je parlais des Wachowski puis de leur tendance à avoir des moments punch puis des moments clés, ben ils se sont inspirés de ça. C'est ça. Ils se sont dit, mettons que c'était vrai. Comment que ça pourrait arriver dans la vraie vie? Exact. Fait que la matrice, le premier film, c'est ça. Pour ce qui est des autres films, j'embarquerai pas là-dedans parce que ça me prendrait une autre demi-heure rien que pour le rien que parce pour ça. Parce qu'à date, t'as juste fait 10 minutes. Ah ouais, pas plus que ça. Bon, OK, je guettais mal t'es mon heure. T'es à 12, heure. Là. J'étais à bon, c'est pas super. D'abord, mais je vais... Parce que c'est un peu plus complexe, en fait. Ils sont vraiment lâchés lousse dans le symbolisme des autres. Souvent, l'écoute normale de ça, c'est que, bon, trip sur le deuxième parce que c'est celui qui a le plus de power t'es mort. C'est les grosses scènes d'action. Ah, c'est ça. Donc, Matrix Revolution. Celui-là, dans le fond, tout le long du film, bon, c'est assez clair ce qui arrive. Les machines tombent en guerre contre la résistance, mais réellement, dans le vrai monde, ils envoient des robots d'attaque qui allaient attaquer la ville des irréductibles humains. Ouais, c'est ça. Ça semble assez clair jusqu'à la fin du film où Neo se retrouve face à l'architecte, qui est un vieux monsieur barbu. Ça, c'est le bout de ce que le monde n'écoute pas. C'est cette discussion-là, si vous prenez la peine de l'écouter comme du monde puis de la décortiquer un peu, c'est là qu'il vous donne les clés pour comprendre le troisième film. Que là, généralement, le monde font comme « OK, je comprends plus rien. » Parce qu'ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Fait que les clés de compréhension, rapidement, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Là, c'est vraiment le bout de ce que je dis, que là, on est une émission de, une émission de service, je vous explique des affaires. Ce que l'architecte dit à Neo, en fait, c'est que Neo, c'est la résultante. Dans le fond, parce que là, rendu là, on sait que Neo, il y a des pouvoirs là, que personne n'a, à part étonnamment l'agent Smith que Neo a détruit à la fin. Bon, là, c'est le punch de la fin. Je l'ai dit. C'est un film sorti en 99. Je l'avais pas vu. Je me sens pas tellement mal de dire le punch d'un film sorti en 99 puis qui est un classique en plus. C'est correct. Je l'avais pas vu. Ben, c'est pas le plus gros punch, mais okay, ça venait. Quand ça arrive, tu l'as pas vu venir. C'est ça. Mais c'est ça. Donc c'est ça, mais là que tout le long du deuxième film, ben, il est revenu Smith puis il transforme du monde en lui-même. Okay. Que c'est ça. Ce que l'architecte explique, c'est que ben, la matrice, c'est un programme d'ordinateur dans le fond. C'est un immense logiciel, c'est comme un immense jeu en fait. Exact. Et ben, il est codé dans le fond. Le problème, c'est que ce codage-là, c'est tellement complexe puis c'est tellement imbriqué avec l'expérience de conscience humaine qui n'est pas quelque chose de quantifiable et qui n'est pas quelque chose de prévisible à 100%, il dit il va nécessairement arriver un moment où ce que, parce qu'un programme, un programme codé, c'est une immense équation mathématique, exact. En gros, mais une immense équation. Je veux dire, vous regardez là, l'origine de, mettons, Windows, là, pour les gens qui ne sont pas en informatique, parce que ça, je choque pas personne qui étudie le moindrement d'informatique à dire ça, là, mais vous regardez Windows, là, c'est une immense formule mathématique. Puis c'est ça, de tout ce qui est de l'informatique, c'est ça. Oui, exact. Tu peux ramener ça à peu près ça. Puis là encore, j'imagine que les gens d'informatique qui m'écoutent vont dire « Ouais, mais non, mais c'est pas ça, là, tout à fait. » Mais tu sais, tu peux... Si on met ça dans un langage si gros, on met ça, là, si on le simplifie un peu, c'est ça. Ça en revient à un genre de grosse équation mathématique. Puis c'est ça. Ce que l'architecte explique, c'est que dans le fond, Neo n'est pas le premier Neo et que à un certain intervalle régulier, la matrice « breakdown » à cause de la somme des erreurs créées par le fait que l'expérience humaine, la conscience humaine n'est pas quelque chose de quantifiable et de prévisible. Exact. Donc, à un moment donné, ils sont obligés d'avoir un genre d'élu, Neo, qui est la somme de toutes ces erreurs-là, qui « fuck » tout le système, on va le dire, c'est carrément merci ça. Merci d'être là. Et qui dans le fond, qui fait... que c'est ça, que c'est Neo qui fuck le système et que lui-même est le seul qui a le pouvoir de repartir le système à zéro. Donc un peu, si on revient avec le parallèle avec les ordis, t'as ramassé des virus dans ton ordi, t'as de la cochonnerie sur ton ordi, ton Windows run tout croche, ben à un moment donné, tu le formates. C'est ça. Tu réinstalles ton Windows en mode, t'as comme pas le choix. Ben Windows, Neo, c'est un peu comme ton petit CD de Windows qui te sert à le réinstaller. C'est la même chose. Fait que ça, c'est ce qui, ça, c'est ce que la fin du deuxième, le bout de ce que le monde n'écoute pas. Là, après ça, il y a différentes questions d'interprétation. On voit Neo à un moment donné qui à l'extérieur de la matrice a une influence sur les robots qui viennent les attaquer. Ça, dur à expliquer. Il y en a plusieurs qui disent c'est que le seul vrai pouvoir que Neo aurait en fait, autre que le fait que toutes les erreurs de la matrice sont rattachées à son avatar dans la matrice, mettons, c'est qu'il est capable d'être comme connecté à la matrice parce que c'est assez prouvé que les sentinelles et les robots d'or sont connectés. Tous les robots, toutes les intelligences artificielles sont connectées ensemble à base. Le troisième film, c'est un peu plus compliqué. On y va plus avec vraiment l'imagerie du... c'est plus religieux aussi, d'ailleurs. Neo se trouve être un peu le sauveur, dans le fond, la figure un peu de Jésus-Christ. Qui vient un peu sauver le monde à l'apocalypse, là, alors que l'agent Smith est un peu l'antéchrist, dans le fond. Okay. Puis là, les deux se combattent pour l'âme de l'ensemble de l'humanité. Parce que là, à ce moment-là, l'ensemble de la matrice a été contaminé par Smith, qui est vraiment devenu, qui est passé d'antivirus à virus, dans le fond. Puis, dans le fond, là, les deux se combattent en gros pour savoir c'est qui va gagner. Neo, lui, veut sauver l'âme de tout le monde. Smith, lui, veut transformer tout le monde en lui-même pour avoir le contrôle total. Donc, dans le fond, donner tout le monde. Ouais. Fait que c'est un peu ça comme ça qu'il faut le comprendre. Puis, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Neo fait un pacte avec l'espèce d'autorité des intelligences artificielles, mettons. Fait que, avec ça, j'ai pas donné tous les détails. Non. J'ai pas été. On a pas volé toutes les punches. J'ai pas volé toutes les punches. J'ai essayé, en tout cas, parce que c'est sûr qu'il y a certains punches qui sont quand même importants pour l'histoire. Fait qu'il y a des affaires que j'ai pas le choix de dire. Mais c'est ça, ça faisait un bout de temps que je l'avais sur le cœur. Je voulais expliquer parce que tu parles avec quelqu'un de la matrice. Moi, personnellement, ça va avoir l'air drôle, mais celui que j'ai le plus aimé, c'est le troisième. Ah ouais, OK. Parce que c'est celui qui te fait le plus réfléchir au bout du compte. Les autres, bon, comme je disais, c'était assez relativement basique, les théories de philo qu'il y a dedans. Si vous avez eu un cours de philo au cégep, puis que ça donne que le prof l'a présenté comme ça, vous savez tout de suite de quoi il est question. Le deuxième film, ben, c'est un film d'action qui, à la toute fin, vous donne les clés de compréhension du troisième. Puis là, ben, le troisième, ben, c'est un exercice à l'écouter puis vraiment le comprendre. Faut que tu aies eu. T'sais, faut vraiment que tu n'ailles parler à du monde. T'sais, c'est comme là, j'ai l'air de faire mon petit wise, mais moi, c'est parce que je les ai vus à la sortie. Ah, ça fait 15 ans de ça. Fait que, puis j'en ai parlé avec du monde, puis étant quelqu'un me tenant beaucoup avec des cinéphiles, on a eu des longues et longues discussions autour de bière à propos de ces films-là avant d'en arriver à « Ah ouais, c'est ça que ça voulait dire », puis ainsi de suite. Mais on sait déjà, en partant, la Matrice, ça l'a inspiré vraiment beaucoup d'autres films. Aviez-vous vu le film récent Assassin's Creed, qui est basé sur un jeu vidéo? J'ai joué au jeu sans voir le film. J'ai pas vu le film encore, non. Là, il y a Fred qui vient de joindre à nous. Je vais te poser la question, toi aussi. Ben, même affaire qu'avec Xavier, j'ai joué au jeu sans voir le film. Mais le film, j'ai tellement trouvé que c'était un exemple même que le premier de Matrice. Ouais, parce que c'est plus trop... ils ont amené ça un peu à partir de certains jeux, là, qu'ils savent plus trop qu'est-ce qu'il a arrêté puis quand est-ce qu'il est plugué. Eux autres, c'est l'Animus qu'ils l'appellent, la machine, là. L'espèce de machine de réalité virtuelle. Non, ben, j'ai joué à tous les jeux, par exemple, là, mais si on est les trois, les gamers, sans les... Exact. Moi, j'ai jamais gamé là-dessus, mais j'ai regardé le film. C'est très bon comme film, sauf que ça m'a tellement fait penser à The Matrix, là. Là, je suis là, OK, mais c'est mais sûr c'est qu'ils sorti, se sont basés. C'est sorti où, ça? C'est sorti, mon Dieu, c'est sorti, ça fait un bout maintenant. Ben, il est sorti en DVD cette semaine, en fait. Exact. Ben, en DVD, j'aime de trahir mon âge, il est sorti en Blu-ray. Je l'ai écouté sur l'hélico, là. Il est sorti sur une cassette 4 pouces. Est-ce que ça faisait le tour de la chronique? Parce que moi, j'ai peut-être un intermède. Oui, vas-y. Ben vas-y. Moi, je suis un passionné avec l'improvisation et tout ça. Et cette semaine, en fait, demain... Oui. On est diffusé aussi à Drummondville, donc c'est pour le monde de Trois-Rivières. Mais demain, à Drummondville, à la Salle Royale, vous pouvez appeler au 819... 474-7350 pour aller voir les 14 finissants de l'École nationale de l'humour. Ils sont en spectacle demain à Drummondville à la Salle Royale. Ça vaut le billet. Je connais plusieurs humoristes qu'on attend. Je fais de l'improvisation, entre autres, avec plusieurs. Ils seront de retour dans la région approximative. Là, ils viennent pas à Trois-Rivières, ils viennent pas à Mauricie, mais ils vont à Victoriaville le 12 avril. Et c'est les deux seules fois qu'ils vont être en Mauricie, centre du Québec, pour toute leur tournée. Donc, demain à Drummondville, à la Salle Royale, ou le 12 avril à Victoriaville, voir les 14 finissants de l'École nationale de l'humour. Allez voir ça l'année prochaine. En plus, dans les finissants, il y a un joueur que joue à la Luitre, Jonathan Côté, qui sera de la tournée l'année prochaine. Et un gars de Trois-Rivières, Charles-Olivier Trudel, si je ne m'abuse son prénom. Un gars de Trois-Rivières qui sera de la tournée. Donc, ça vaut le détour, selon moi, parce que t'es très, très bon jeune humoriste dans cette tournée. Excellent, voilà, merci. Bon, c'est comme une plug d'impro merveilleuse. Voilà, et on peut faire la transition avec l'impro. Exact. Est-ce que vous voulez sauter à votre chronique immédiatement ou vous voulez aller à une pause, les gars? Ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. Donc, ça allait bien. Vous êtes tous prêts? OK, on va faire le switch d'intro, puis c'est ça. J'allais jamais au bon moment. Hein? Jamais. Jamais. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, l'impro et le sound timing. Ouais. Donc. Soyez mes cliches et Fred qui s'est joint à nous. Oui. On a voulu faire la même chose en même temps. J'aurais dû te laisser l'idée. Ben, c'est bien correct. Hey, on commence ça avec Fred Simon. Fred, deux événements. Oui. Commençons par quoi? Commençons par la CUI. La CUI. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la CUI, Tania et... Le club... Attends, la CUI. Vous l'écrivez comment? C-U-I. Aussi simple que ça. OK. Le club universitaire d'improvisation. Non. Ah. Deuxième... non, pas de chance. Ce que Noisy ont fait quand il a faim. CUI, CUI, CUI. CUI, CUI, CUI. Non, c'est la coupe universitaire d'improvisation. Ah, oh, je sais pas loin. En parenthèse, francophone, faut préciser. Mm-hmm. Okay. Donc, toutes les universités qui font de l'impro en... Français sont invités à la CUI qui est l'événement provincial slash national parce que le Nouveau-Brunswick puis le nord de l'Ontario, l'est de l'Ontario, nord-est de l'Ontario participent. Donc c'est la CUIF. Ouais, mais ouais, parce qu'en anglais ça s'appelle pas la CUI. Je sais pas comment elle s'appelle, mais ils n'ont une dans leur fin fond de canton de Colombie-Britannique. Ça s'appelle la CUI, mais avec un E en anglais. English. La CUI. La CUI. Donc, notre délégation de la lutte s'est rendue à Moncton pour jouer le tournoi. Et, attention, on félicite Céline Dodier-Côte, Vincent Rainville, Karine Perron, Marc-André Fortin, Alexandre Laramire-Zecoui et Francis Durier-Lambeau qui sont rendus en grande finale. Oh, mon Dieu! Contre l'Université Laval, qui ont gagné, ben oui, pour la quatrième année de suite. Ah. La coupe, la coupe universelle d'improvisation 4-38. On félicite d'ailleurs Simon Robitaille, qui est un joueur et le seul joueur à avoir fait le carrousel qu'on appelle, donc d'avoir gagné 4 fois consécutivement la coupe avec la même équipe. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Ici, sinon le c'est assez impressionnant. Ils ont perdu par une seule impro en finale. Oh non. Ouais, mais c'est ça là que c'était un match incroyable. D'ailleurs, dans les prix remis provincialement, on a Marc-André. Fortin, j'ai dit Marc-André, Marion Flamand. Marc-André Fortin qui a gagné le joueur le plus utile. Ça veut dire que toutes les fois qu'il rentrait sur un impro, il faisait soit gagner le plus souvent les points. Donc quand c'était pertinent ses interventions sur les improvisations, il s'était appliqué. Et il n'y a pas eu beaucoup de pénalités sur lui. Donc il était vraiment un joueur utile à son équipe qui a permis de rendre la l'huître en finale. On les félicite. On espère l'année prochaine faire mieux. Et à chaque année, la CUI change de place. Il y a quelques années, c'était Trois-Rivières. Mm-hmm. Il y a maintenant, cette année, c'était Moncton. Il y a eu Montréal entre les deux, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est l'année dernière. C'est Amical, donc, Trois-Rivières, Montréal, Moncton. L'année prochaine, Rimouski. Oh, mon Dieu. On se rapproche tranquillement. Hein, on aura peut-être 5 heures de route au lieu de 10. Maintenant, quelque chose s'est fait. Il y a deux semaines, on a fait le X-Luitre pour casser saison régulière. Cette semaine, les séries ont commencé. Oui, on commençait ça en force avec la première demi-finale qui opposait les rouges aux oranges. Le tout arbitré par la redoutable Katiev Côté. Les formations ont été modifiées peu avant le match. Ce qui a donné que les joueurs, Karine Perron et Marc-André Marron-Flamand ont disputé cette demi-finale. Mm-hmm. Les deux sommes ont joué cette demi-finale pour des circonstances de maladie ou de retrait de joueurs pour surcharge. C'est quand même intéressant de voir des subs en demi. T'en penses quoi? Oui, c'est vraiment intéressant. Les deux joueurs ont apporté beaucoup de choses. Faut dire que les deux ont quand même assez d'expérience en impro. Donc, c'est pas... C'était pas déplacé. Ils ont joué chacun un bon match. Oh, puis je pense que ça s'est fait remarquer sur l'impro. Voilà. Et voilà, c'est tout. On va pour le résumé du match. Vas-y, je t'écoute. Ben, veux-tu commencer pour la première demi? Ben oui, j'étais là. Tu étais là aussi. J'étais là. Je vais y aller plus pour la deuxième. Il y a eu une baseball. Comme François Bogingo, ou t'étais là pour vrai? Non, il y a eu plusieurs impros avec des figures différentes. On a joué sur le rythme aussi dans l'improvisation. Entre autres avec une baseball. Moi, j'adore cette catégorie-là, ce qui permet trois fusillades, si vous savez c'est quoi, donc des impros de 30 secondes et une solo d'une minute pour le joueur qui reste. Ça change le rythme sur le même thème, donc ça amène quand même du challenge. Sinon, il y a eu beaucoup d'impro qui se sont disputés au comptage dans cette première demi. C'est des impro qui sont joués très, très serrés. Ça mettait vraiment le calibre pour ça. Et il y a eu mon impro préféré, je pense, que de la première demi. Ça a été comme... Pour vrai, ça a été la baseball parce que ça a mis les joueurs en valeur. Ça a été du tac au tac. Ça a été des impro qui ont été pertinentes. Et c'est des impro qui ont été claires, précises, sans pénalité. Une première demi qui s'est jouée très très simple, peu de pénalité. Alors que la deuxième demi, de ce que j'ai ouï dire, était différente. Oui, ça s'est corsé sur le plan des pénalités. Oh! Puis aussi sur le plan des points. Puisqu'en première demi, ça s'est terminé par le pointage de 4 à 4. Donc c'était très serré. Puis la vague orange, pour emprunter le terme du NPD, a déferlé en deuxième demi alors qu'ils ont remporté 7 impros sur 8. Donc, 7 impros consécutives, là. Faut les faire. Ah, c'est immense. Oui. Ce qui propulse les oranges en finale. Oui, tout à fait. Et qui nous a épanouis? Épaté. Épaté, voilà. Épaté. Dans ce match-là? Ben, en fait, l'étoile qui a été remise au orange par les rouges est allée à Alexandre Marchand, tandis que l'étoile des oranges remise au rouge est allée à la substitut Karine Perron. On vient de dire qu'elle méritait sa place, elle méritait clairement sa place. Et l'étoile de l'arbitre est allée au vétéran Jocelyn Garneau. Vétéran recrue. Un gars qui a beaucoup d'expérience, mais première année à la lutte. Oh, OK. Il m'arbitrait au secondaire. Oh! En fait, première expérience comme joueur à la lutte, parce qu'il a déjà arbitré par le passé. Il a arbitré avant de jouer. Ça, c'est ça, la lutte. C'est ça, aller à l'université. C'est ça, juste la lutte. J'ai vu beaucoup de ligues où les joueurs, tu sais, arbitrent, mais ils restaient dans l'univers. Non, là, c'est comme il est arbitre, puis il flippe joueur, voilà. Donc, la semaine prochaine... Bleu-vert. On a eu des call-outs très, très intéressants cette semaine. On a eu... Béhoud dans son bain. Oui. Gabriel Béhoud dans son bain. Et un super doublage du film Downfall. Ouais. Qui disait à quel point les oranges étaient bons. Les bleus vont faire leur call-out, j'imagine, incessamment. À toi de nous le dire. Ça sent bien. Et c'est ça. Et les verts. Donc, les champions de la saison régulière, les verts. Contre les bleus. Soyez présent public pour voter pour votre joueur coup de cœur. C'est votre façon de vous exprimer et de dire aux joueurs que vous les aimez, que vous les aimez. Et soyez là lundi à la chaise galerie, c'est gratuit. Voilà. Et la semaine suivante, la grande finale, suivie du gala mollusque. Qu'est-ce que le gala mollusque? Qu'allons-nous souligner? Nous allons remettre les honneurs individuels aux joueurs de la lutte, donc joueurs par excellence, recrues de l'année. Joueur le plus apprécié par ses pairs. Joueur coup de cœur. Et joueur constructeur, oui. Et est-ce que quelqu'un a déjà fait le carrousel à la huître? J'imagine que non, hein. Ça doit être dur faire un recrue de l'année, coup de cœur public, puis joueur par excellence, la même. Recrue de l'année, coup de cœur, c'est arrivé avec Alexandre Laramie Zwicky. C'est tellement le nom que j'allais dire en plus. Mais, c'est comme c'est clair que c'est arrivé à Zwicky, une enfant de mais, mais c'est, je l'ai vu, il y a plusieurs joueurs qui réussissaient pas à faire le carrousel, là. Mais à la lutte, je pense pas que c'est jamais arrivé. Je pense pas qu'il ait remporté en plus joueur par excellence. Mais Qui sera le premier? Peut-être ce sera cette année? Peut-être. Verrons-nous quelqu'un gagner. Mais imagine s'il fait le coup de circuit, les rembourses constructeurs en plus, ça serait incroyable. Je vois pas les candidats. Je vois quelques candidats possibles à faire ça. On verra si cela se produit. Et voilà! C'est quoi vos prédictions pour le prochain match? Parce que là, c'est vert et bleu. Mais là, je peux pas me... Ouais, j'avoue, OK. Non, pas toi. Mais moi, pour vrai, je pense que ça va être... Si je peux être franc, c'est un match qui va se jouer à la fesse. Ça va être un match... Parce que cette saison bleu-vert, c'est des matchs qui sont rendus une fois en prolongation et deux victoires serrées de chaque côté. Et fait que c'est joué sur trois matchs très serrés, c'est des matchs qui sont très très loufoques. Je pense entre autres, j'ai des impros en tête avec des verts qui sont très funky, puis des mélanges avec un peu de la Ramir Zwicky qui joue des bleus. qui est très très flyé, moi qui est quand même assez énergique. Je pense que ça va être un match super énergique, super dynamique, puis qui va jouer sur des concepts super fucking. Je pense que c'est deux équipes assez complémentaires. Les Verts ont vraiment un univers, comme vous avez dit, un peu funky, déjà avec Marc Lachance, mm-hmm. qui est assez spécial à lui tout seul. Donc, tu y ajoutes Francis Grelambron, Célan de Décote, tu sais, c'est quand même des joueurs. Puis en plus, Jonathan Picard, je pense que les Verts ont une équipe avec un univers très particulier que seuls eux peuvent maîtriser. Mais je suis de ton avis, ça va être un match extrêmement serré. Ça va. Moi, je pense que cette année, ça s'est joué sur une impro, la saison. Parce que quand tu regardes, ça s'est joué sur une pun. En fait, parce que moi, je pense entre autres au match bleu-vert qu'il y a eu au début de la saison, où j'ai été sorti, ce qui a donné la victoire au vert. Si cette pun-là n'existe pas, le classement se chamboule bord en bord. Les bleus finalement, c'est de ta faute. Non, non, mais dans le sens où, je veux dire, c'est, tu sais, le monde dit « Ah, les bleus ont fini dernier, les verts premiers, fait que les verts... » Non. Parce que si tu changes cette pénalité-là, les bleus finissent premiers puis les verts finissent derniers. Ouais. Oh, OK. Tu sais, c'est là que ça s'est... Tu sais, le classement, c'est juste sur une pénalité, là. C'est ça que ça fait final... faire jouer des enfants de 12 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le classement final, c'est extrêmement serré. Les points, c'est 11-11-9-8. OK. Donc, une victoire emporte 2 points. Donc ça... Tu sais, t'enlèves 2 points. C'est ça. Fait que ça s'est joué sur une pénalité, des fois. Fait que, tu sais, plusieurs matchs vont être serrés. J'imagine, à la hauteur des autres matchs bleu-vert qu'il y a eu cette saison, des matchs avec peut-être beaucoup de décrochage, avec peut-être beaucoup de plus de rythme, parce que ça va risquer d'être drôle. C'est dur se contenir devant des niaiseries de Marc Lachance, ou c'est dur de se contenir même devant les niaiseries qu'il faut que tu réajustes toi-même. Donc là, je pense que ça va être un match très très rythmé de ce côté-là. Je pense que si on compare au match qu'on a eu cette semaine, le match se met plus au niveau des fois de la construction des gags à long terme. Les bleus, les verts peuvent faire ça, mais je pense que les bleus et les verts vont être plus sur des gags de situation, de contenance, de rythme, de blagues. Je sais pas, c'est mon opinion. Voilà, le tout arbitré par Véronique Côte. Véronique Gagné. Gagné. Hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle, à la Chasse-Galerie. La dernière fois qu'elle est venue, je pense qu'elle m'a sorti. Fait que Xavier va être fâché. Ouais! Non, non, mais tu sais, c'est le fun, là. C'est des beaux matchs. Là. C'est pas parce que tu vas te sortir, c'est pas un bon match. Mais non, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous avez déjà terminé? Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Vous nous avez fait un résumé vite fait, bien fait? Oui, mais c'est ça. C'est que le pointage est. T'sais, vu cette impro en ligne pour les oranges, ben on veut pas s'acharner sur le sort des rouges. C'est vrai. Vos prédictions pour la grande finale, mettons? Ouh! Mais moi, j'ai pas le choix de dire bleu-orange. Bleu-orange. J'ai pas le choix. C'est vrai, ouais, c'est ça, t'es vendu. Sérieusement, pour l'expérience intra-luitre et la cohésion d'équipe, je dirais bleu-orange. Bleu-orange. Fred? Et j'ai de la parce misère à me prononcer. Parce que moi, je pense entre autres à Zwicky qui a déjà fait beaucoup de finales à la Luitre. Et Vincent Raville qui a gagné 2 fois la Coupe. Tu sais, l'année passée, les Pichet Cyr qui jouaient pour les Rouges qui ont gagné, qui sont rendus quand même, tu sais, ils ont fait une bonne saison. Puis moi, la petite recrue. De l'autre côté, tu as Marc Lachance qui s'est déjà rendu en finale. Francis Grelambron qui est sa deuxième année. Céline qui est une vétérante. Mais que je pense qu'il a jamais gagné la coupe, c'est l'an de Jeune Navier. En tant que substitut, oui. Substitut. Oh, OK. Puis, Jonathan Picard, qui est à sa deuxième année aussi. Donc, je pense que tout ça combiné fait que peut-être le stress va embarquer d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je dirais bleu-orange pour ça. L'expérience est de votre côté, je dois dire. Mais faut pas négliger les verts. Donc, non, non, ce sont les favoris en ce moment. Ce sont les favoris. Donc, ça va être. C'est. Personne ne pouvait parier sur cette année. C'était pire que les paris du Super Bowl. Là. C'était à 1-1. Ça se joue sur l'improvisation. Ça se joue sur qui va être malade et qui va être en santé. Oh, ça va jouer là. Et oui. Qui va sortir la grosse game. Ouais. Qui va aller chercher son coup de cœur du public. Oh, je pense que Xavier veut avoir ce prix-là. Non, mais c'est un prix qui... Ben oui, là, ben, tout le monde est intéressé par ce prix-là, mais je pense que c'est un prix qui joue là. Ouais, il joue dans ça. Les demi-finales parce que c'est là que tu votes. Tu veux pas... Moi, je sais qu'en tant que public, quand je vais voir, mettons, des pièces de théâtre, puis demande pour l'acteur que t'as plus vu, tu penses à tous les spectacles que t'as vus, pas juste lui que t'as devant les yeux. Mm-hmm. Alors que dans un sketch improvisé, dans une soirée d'improvisation, tu votes pour l'improvisateur que t'as préféré, ça se peut que tu votes pour lui que t'as préféré cette soirée-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est lui qui va aller chercher les yeux, les regards ce soir-là, ben, il va aller chercher un peu plus de votes coup de cœur public. Donc, oui, c'est sûr que c'est un prix qui intéresse le monde, c'est pas un prix que je veux absolument, je fais toutes les impros pour l'avoir, non. Mais c'est sûr que c'est lui qui va aller chercher cette plus-value-là, qui va remporter le match probablement. Là. Et pour ajouter sur le vote coup de cœur, On m'a informé, c'est très gentil, mais j'ai reçu plus d'une trentaine de votes pour le coup de cœur. Je ne peux pas le gagner, mais c'est très gentil. Semble-t-il que c'est la même personne qui aurait voté 34 fois pour moi. Attends là. Je pense que t'as un Valentin. C'est ça. Et ma blonde, c'est ta mère, non? Ma blonde m'a confirmé que c'était pas elle. Attends là. Donc, dans le match orange-rouge, il y a une personne qui a mis Fred Simon 34 fois. Semble-t-il. C'est ce... Mais j'aimerais informer que j'adore Fred Simon là. Mais il est animateur. Il peut. Oui, tu pourrais le gagner. C'est pas. Je comprends pas pourquoi tu pourrais pas gagner. En tout cas, on s'assinera une autre fois. Je laisserai ça aux joueurs. Je me sentirais un peu mal à l'aise. Ah, c'est ça, le coup de mais coup surtout de devant Mathieu Plante. Mais hein? Il est même pas là. Non, mais il doit écouter ce matin, là. Ah, je sais pas. Mais s'il écoute ce matin, imagine Fred Simon qui te vole. Je pense qu'il est sur le chemin du retour de sa place mystère de où il était cette semaine. Ah, OK. Donc, c'est ça. Imagine, tu votes ça. En plus, devant Mathieu... Tu sais, t'étais co-animateur à Mathieu Plante, puis tu y voles. En tout cas, quelle histoire! Ça serait hors du commun. Ça serait hors du commun. Ben, ça pourrait être possible si tu pouvais gagner le prix. Mais en ce moment, c'est clair, t'es devant. Là. Oh, je sais pas. C'est ça. Je sais pas si les votes ont été gardés. Mais si t'as 34 votes, il y avait 87 personnes dans la salle lundi, quand même. Ben, pour vrai, probablement, si on divise les votes à tout le monde, t'es premier. Là. Ouais, mais il y a aussi les autres semaines qui vont entrer en ligne de compte. Oui. Mais ouais, je me sentirais vraiment mal. Mais peut-être que cette même personne va venir revoter pour toi, tu sais, tu sais pas. Elle s'est juste assise pendant que personne n'était là, puis elle veut juste mettre ton nom. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coupons. Mais j'ai trouvé ça franchement drôle. C'est vraiment donc, très drôle. On trouve ça drôle, mais vous gaspillez du papier. Donc, puis vous n'êtes pas en train de voter pour Xavier. Donc, votez bleu. Non, c'est vrai. Soyez présents lundi, puis venez voir ce match super loufoque. Qui affrontera les Oranges le 10 avril à la Chasse Galerie. Voilà. Oh, la prédiction. Merci les gars. Qui affrontera les Oranges. Ben oui, c'est une prédiction. Ça, on le sait déjà. Ouais. Mais... voilà. Merci les gars. Au retour, ça va être Alfalfa le lutin qui va nous parler de jeux. J'ai très hâte. C'est fou, 89 ans. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Reiki accompagné de Tania Baudin et là j'essaie de trouver le bon micro, voilà, c'est Xavier Méclisch aussi qui est avec moi, qui est en train de quitter, Sébastien Evgertin est aussi en train de quitter et Fred, merci Fred Simon qui quitte lui aussi, mais on a un nouveau venu qui est en studio présentement, qui est arrivé du toit là, comme ça, là. C'est Alfalfa le lutin qui est avec nous. Bonjour! Bonjour Alfalfa, ça va bien? Oui, ça va super bien. Alfalfa, pendant que je suis en train de chercher ton thème musical, dis-moi donc, qu'est-ce qui va se passer dans ta chronique cette semaine? Ben, je présente comme un gros boom de jeux de société. Ah, parce qu'il y a une compagnie qui a décidé de faire un gros out. Là. Ils ont sorti beaucoup, beaucoup de jeux. Et moi, je trouve ça intéressant, surtout avec les prix qu'ils ont amenés. Voilà. Bon, ben, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Excellent. Bonjour, vous allez bien? On va très bien ce matin. Excellent. Je vous parle d'un jeu qui s'appelle Les Aventuriers du Rail. Ticket to Ride en anglais. Un jeu qui a vendu plus de 4 millions. Ooh. Oui, 4 millions d'exemplaires dans tous ses copies. Et voilà, parce qu'ils ont plusieurs modèles de jeu. Donc, ils ont commencé le jeu avec Aventuriers du Rail Europe, selon moi, de mémoire, qui est le plus vieux. Et là, ils ont eu comme une super popularité, ça a été incroyable. Et au début, le jeu était pas si cher que ça. Il se vendait autour d'une trentaine de dollars. Et là, vu la popularité et la demande, sans cesse, ils ont augmenté jusqu'à... Oh non! Oh oui, attention, ça va osciller dans les autos. 75 dollars. Oui, il est à 75 dollars en ce moment. Et sachez qu'il est moins cher si vous le prenez sans la traduction française. Mais c'est donc bien dispendieux. Oui. Et là, ils ont comme profité de cette lancée-là pour sortir, après les Aventuriers du Rail Europe, plein de jeux. Okay. Et là, ils ont sorti plein de nouveaux jeux, que ce soit des expansions. Donc, il y a Aventuriers du Rail autour du monde. Là, on mélange bateau et train. Il est à 114 $. OK. Oui. C'est pas donné? Et là, j'ai dit, là, comme ils peuvent pas avoir des jeux tout aussi chers que ça. Mais non. Et là, sort récemment, plus ou moins récemment, une gamme incroyable de jeux un peu, même beaucoup moins chers. OK, comme combien? Comme, genre, il y en a 59 puis il y en a 39. OK, c'est moins pire. Oui, et là, c'est selon des régions administratives, des régions du monde. Donc là, il y a Aventurier du Rail Royaume-Uni, Aventurier du Rail Pays-Bas, Aventurier du Rail au cœur de l'Afrique, Inde et Suisse. Oui, Inde et Suisse. Parce Inde que et la... Suisse, OK. Je ne sais pas pourquoi Suisse, mais Inde et Suisse. Asie et Aventurier du Rail guerre, Deuxième Guerre mondiale slash Allemagne. Et là, tous ces jeux-là sont disponibles. Le concept des aventuriers du rail est, ouais, est vraiment simple. Ça, c'est un peu le... c'est un mélange un peu entre, je dirais, acheter risque, parce qu'il faut que tu conquérisses des petits territoires en même temps de nuire aux autres, mais sans les tuer. Tu ne tueras jamais personne dans ce jeu-là. Et Monopoly, parce que tu dois avoir des cartes. Ben, des cartes. Tu dois acheter des wagons. Donc... sur la carte, il y a des trajets de train, à part si, et de bateaux, si vous prenez Aventurier du Rail autour du monde. Mm-hmm. Et vous allez recevoir au début du jeu 4 cartes. Sur chaque carte, il y a sur les cartes, il y a un long trajet qui, par exemple, on prend aux Aventuriers du Rail Europe, qui peuvent partir de Paris et se rendre très très loin en bas là à Zurich. Non, Zurich c'est à côté en Suisse, mais plus bas, mettons, dans un très long trajet là de Helsinki à en Copenhague ou des fois comme ça, de se promener des longs trajets et 3 petits trajets qui peuvent être Budapest, Berlin, Angers, India, donc des petits trajets assez courts, tu sais, Moscou, bon. Et là, ton but est de faire que tes trains à toi, tes wagons, se rendent du point A au point B. Point donc, B. Tu crées ton chemin de fer. Mais pour ça, les trajets ont des couleurs, des formes et même des tunnels. Donc, entre, exemple, Budapest et Berlin, qui va être le plus facile à expliquer, entre Budapest et Berlin, il y a un arrêt qui peut être, on va dire, une ville au hasard là. Parce que j'ai pas le plateau devant moi. Je vais essayer d'en trouver un pour vous donner un exemple. Ça va peut-être m'aider. Ils ont sorti aussi Scandinavie que je viens de voir. OK. Donc Helsinki, Stockholm. Donc c'est 2 pays en Scandinavie, un en Suède, un en Finlande. Entre Helsinki, Stockholm, il y a un arrêt à Turku. Okay? OK. Je vais le dire avec le R parce que les Finlandais adorent quand ils disent des R. Donc pour se rendre à Turku, c'est 4 verres. Mais pour 4 cartes vertes. 4 verres. Il y a 4 wagons verts entre Helsinki et Turku. Et dans ton jeu, il y a du vert, du jaune, du rouge, du bleu et des wagons gris. Des wagons gris, c'est n'importe quoi. Il y a aussi des locomotives. Des locomotives, ça vaut toutes les couleurs. Ah, OK, mais c'est bon. C'est comme un Joker. Oui, mais il y a des trajets qui demandent une locomotive parce que c'est, mettons, en pente ou faut que tu donc, plus les locomotives tirent les wagons, donc ça prend absolument une locomotive pour faire ce trajet-là. Et là, et tu dois acheter tes trajets avec les cartes que tu piges. Sauf que sur la table, il y a, par exemple, une carte, il y a 5 cartes affichées. Mm-hmm. Et tu peux choisir de prendre une des cartes affichées pour l'ajouter à ton paquet ou aller piger au hasard. Donc, tu peux à chaque tour, tu prends 2 cartes. OK. Donc, à chaque tour, tu as 2 cartes qui s'ajoutent à ton paquet et après ça, tu dois acheter tes trajets. Sauf que il y a seulement un trajet vert entre Turku et Helsinki. Et toi, tu dois passer par Turku et Helsinki pour te rendre à une autre ville et moi aussi. Et là, c'est le premier qui le fait, qui le possède. Si jamais ça fonctionne pas, il y a des gares. Donc, quand tu utilises une gare, ça te fait un trajet automatique, mais tu perds des points de victoire. Ouh, OK. Donc, le but, c'est de réaliser des trajets qui peuvent valoir entre 21 et 5 points. Et il y a aussi le nombre de wagons que tu achètes. Donc, quand tu as réalisé tous tes trajets, parce que le jeu avance, tu réalises tous tes trajets, et seulement tu essaies de prendre des trajets complémentaires. Exemple, si tu veux te rendre de Helsinki à Ardia, qui est en bas de la carte, ben Budapest-Berlin est en plein milieu, donc c'est facile pour toi de le faire en même temps. Et là, quand tu as terminé tes trajets, il y a 2 options pour toi. Soit que tu essaies de faire le plus de trajets indépendants, peu importe où, et en fait, il y a 3 options. Soit tu essaies de faire la plus longue route, ce qui te donne 10 points de victoire. OK. Donc, mais il faut que ça soit en continu. Elle ne peut pas être séparée par une gare. OK. Elle doit vraiment être collée. Donc, et ça peut faire. Ils peuvent passer 2 fois par la même gare si ça fait des boucles. Donc, si ça fait la forme, j'allais dire, du signe A, là, en lettre attachée, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas qu'ils se croisent. OK. Il faut vraiment que ça fasse la forme d'une loupe. Et ça doit être des trains différents qui se croisent. Donc, tu as 3 options. Donc, soit faire des chemins complémentaires, soit faire la route la plus longue et qui fait aussi des chemins un petit peu complémentaires, ou d'aller chercher 3 autres cartes dans le dans le paquet de supplémentaires et t'es obligé, par exemple, d'en garder une des trois petits pêches. Donc, si ça donne des trajets qui sont déjà bloqués ou déjà faits, ben là, t'es un petit peu tardif dans le jeu. Alors que si ça donne des trajets que tu as déjà ou qui te manque seulement deux wagons pour le rocher, c'est des points gratuits. Donc là, ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Ça dépend dans quel secteur le monde se sont installés. Mais aussi, sachez que pour chaque wagon déposé, il y a des points. Donc, même si tu fais pas tes trajets, ouais, tu peux quand même faire des points. Parce que, exemple, un trajet de 8 wagons, donc entre, je vais donner un exemple, entre, si je ne m'abuse, c'est entre Helsinki et Moscou, c'est long quand même comme trajet, mm-hmm, il y a un 8 wagons. Okay. Ça te prend 8 wagons de la même couleur pour le faire. Et là, si tu fais ce 8 wagons-là, ça donne automatiquement 21 points. Oh, OK, quand même. Donc, c'est ça. Donc, ça vaut à peu près le même trajet qu'un trajet long. Donc, là, faut que tu aies les 8 de la même couleur. Donc, la probabilité, le premier qui réussit à le faire remporte les 21 points. Donc, là, les trajets de 6 valent plus. C'est 8, 6, 4, 2, 4, 2, 1. Donc, tout dépendant du nombre de wagons que tu fais des points. Donc, c'est pas nécessairement parce que tu n'as pas fait tes longs trajets que tu peux pas gagner. C'est sûr que ça te nuit grandement parce que c'est des points complémentaires, mm-hmm, et que les autres ont aussi fait les points sur le jeu. Alors que si tu as fait tous les longs trajets, donc tu as fait le 8 et les 2, 6 sur le trajet, tu ramasses quand même une quarantaine de points. Et en plus, tu ramasses la route la plus longue et là, et ainsi de suite. C'est un jeu qui est super le fun. C'est sûr qu'il vaut son petit pesant d'or, qu'il faut que tu choisisses les trajets que tu aimes le plus. Et moi, ce qui me fait le plus rire, mm-hmm, de tous ces catégorie de jeu-là, c'est que pour démarrer le jeu, la personne qui commence, c'est la personne qui a voyagé, qui a fait le plus de pays dans le secteur répertorié. Donc, okay, en vertu du rail Europe, c'est lui qui a visité le plus de pays en Europe qui commence. Oh, wow! Donc, si personne autour de la table voyageait, vous faites quoi? Ben, sûrement que quelqu'un veut déjà visiter au moins un pays. Donc, ouais, le Canada, peut-être, mettons. Ouais, sûrement. Au moins un. OK. Donc, tu sais, c'est pire, comme ça que ça se détermine. C'est ça. C'est lui qui. Sinon, ça peut être un rush papier ciseaux. Mais moi, je trouve ça drôle qu'il ait déterminé ces règles-là. Ils ont sorti maintenant, c'est là que je m'en allais, la nouveauté du moment. Mm-hmm. C'est Aventurier du Rail, mon premier voyage. Oh! Donc, il vaut 60$, mais c'est pour faire. Oui. Mais c'est un jeu qui vaut la peine pour la simple et bonne raison que c'est. J'ai déjà parlé un peu de mon premier Carcassonne, oui, qui était le début d'apprendre à jouer au jeu de société. C'est le même concept. C'est un 6 ans et plus. Okay. Ça permet aux jeunes de découvrir les jeux de société, de les faire apprécier les jeux de société. Et c'est un jeu qui peut se jouer autant adulte et jeune. C'est sûr qu'il est moins compliqué, il débute au niveau des règlements. C'est un jeu qui favorise les jeunes et il t'initie à la série Aventurier du Rail Europe. Aventurier du Rail, que ce soit Europe ou les autres. Et il permet aux plus jeunes d'y jouer et de découvrir les jeux de société, peut-être des aimer. C'est sûr qu'en ce moment, le marché des jeux de société augmente grandement. Ouais, ça coûte, hein? Commence à coûter de plus en plus cher. Et j'essaie à chaque semaine de vous trouver des jeux qui sont pas chers. Sauf que cette semaine, je vais avec un jeu qui coûte un petit peu plus cher, je le sais. J'ai parlé entre autres de des jeux comme Esquisse qui sont un peu moins chers et tout ça. Et en ce moment, Aventurier du Rail, mon premier voyage, est disponible à peu près partout. Il y en a même une dizaine environ par succursale qui les ont reçus. Donc, c'est un jeu pour débuter, pour les plus jeunes, pour nos amis qui veulent jouer aux jeux de société, mais qui sont peut-être pas des fins stratèges, mm-hmm, qui peuvent pas jouer avec les grandes ligues. Donc, c'est un jeu qui permet de découvrir un peu les jeux de société et de s'amuser en famille. Aventurier du Rail, mon premier voyage, est une 60$ comme nommé. Et il est en français. Okay. Si vous êtes des fervents anglais, il se vend Ticket to Ride First Travel, qui est un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas la traduction à faire. C'est ça. Mais vous devez lire les règlements. Jouez pas. C'est pas un jeu qui laisse place beaucoup à imagination. Mm-hmm. Comparé à d'autres jeux que j'ai présentés où tu peux t'adapter avec tes règles selon toi et comment tu veux y jouer. Celui-là, par exemple, est un jeu qui est quand même bien équilibré quand on joue à plusieurs. Si vous jouez comme ils disent à deux, ça se peut que les chances soient moins fortes. À quatre joueurs, normalement, le jeu est équilibré et tout le monde a ses chances de gagner. Okay. À deux joueurs, le meilleur stratège va l'emporter facilement puisqu'il y a moins de probabilité qu'ils prennent les cartes de la même couleur. C'était ça pour la chronique Aventurier du Rail de Alfalfa avec moi-même. Et quand tu t'assois pour jouer à un jeu comme ça, Alfalfa... Faut que tu sois à jeun. Ben, faut que tu sois à jeun, mais tu t'attends à combien de temps à peu près pour une partie? Mon premier voyage, j'ai pas joué encore. Okay. Aventurier du Rail... les normales, donc ceux qui sont vraiment sur des territoires. Donc on parle de Europe, Asie, Scandinavie, Royaume-Uni, Pays-Bas, ceux-là, Inde aussi et Suisse. Ceux-là, c'est plus une heure et demie. Okay. Alors que le gros à 114$. Ouais. Ouais. Et ils ont aussi, je l'ai pas parlé, le mineur à 174$ qui regroupe plusieurs plateaux de jeu pour leur 10e anniversaire, pour leurs 4 millions d'exemplaires, à 174$. Ouh. Oui, lui, il est un petit peu plus cher. Mais le plus gros, je pense qu'on tourne entre 1h30, 2h de jeu. OK, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Parce que c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement. Les tours vont vite. Donc, souvent, quand ta stratégie est faite, c'est seulement quand ça se met vraiment à être stratégique, hyper dans les derniers tours où tout le monde essaie de se bloquer pour gagner la plus longue route et tout ça. Et là, ça devient un petit peu plus long. Donc, si vous jouez vraiment avec des joueurs récréatifs qui veulent jouer pour le plaisir puis qui font leur trajet comme ils ont à faire, c'est plus 1h30. Si vous jouez avec des joueurs plus stratèges qui ont besoin de penser pour faire leur coup, ça va être plus 2h. OK. Récemment, oui. J'ai fait pas moi, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui a fait l'acquisition du jeu Saboteur. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais c'est quoi. J'ai pas encore joué. Ça semble quand même assez complexe. C'est un jeu plus ou moins complexe. C'est un jeu qui... Vous parlez de la petite boîte ou vous avez... Oui, exactement. OK. La petite boîte, c'est un jeu que faut que tu t'assieds lire le règlement. Oui, mon Dieu, c'est... oui. Hein? Oui. 6 pages de règlement. C'est pas beaucoup. Mais non. C'est pas tant, là. On parle aventurier du rail Europe, là. Si tu joues avec tout, là, on peut avoir 12 pages de règlement. Et, OK, quand même. C'est un jeu qui se vend bien. C'est un jeu qui est avec un bon vendeur parmi nous. J'ai pas joué. Okay. J'ai entendu beaucoup parler. Il y a plusieurs expansions, il y a des duels. Ils ont quand même sorti plusieurs jeux. Donc, c'est un jeu qui est quand même intéressant. Est-ce que tu me laisses une seconde? Ben oui, certainement. Vas-y. Parce que je vais vérifier dans mes archives quelque chose. Parce que j'ai le Saboteur Duel que je connais plus. Mais toi, tu t'as parlé du Saboteur Plus. Oui, exact. En fait... c'est le concept de la ruée vers l'or, là. Ouais, c'est un peu la même chose, là. C'est ça, c'est là que ça se joue. Puis le but du saboteur, c'est qu'il vient scraper ce que tu fais. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ton but, c'est de réussir à battre le saboteur. OK. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a tout le temps un saboteur par manche, si j'ai bien compris. Mais moi, c'est ça que je vois. OK. C'est ça que je vois. D'accord. Et il se vend en ce moment, je sais pas si tu le sais, 25$. C'est pas si pire pour un jeu de table. Ouais, non, c'est ça. C'est pas aussi dispendieux, mettons, que celui que tu viens de nous présenter. Mais si tu y joues, parle-moi en plus, parce que j'aimerais ça le connaître. C'est un jeu que je connais pas. Et il est vraiment disponible. Oh, désolé. Disponible en ce moment. Oui. J'en vois beaucoup en disponibilité. Là, tu as dit que lorsqu'on joue au jeu que tu nous as présenté, il faut être à jeun. Oui. Mais si jamais, là, par le plus heureux des hasards, tu n'as pas nécessairement le goût de jouer de façon à jeun, tu sais, ça ne te tente pas de boire du café pour jouer à ce jeu-là, tu nous présenterais avec quoi? Non, attends, là, c'est dur à expliquer un peu. Je pense que je resterai dans la région. Ouais. Tu sais, genre la Trou du Diable, là... L'impératrice, est-ce que tu connais? C'est une bière du Trou du Diable? Oui. Non, je connais pas. C'est une Imperial Salt. C'est une bière noire. Okay. Mais quand on dit noir, celle-là, là, faut pas t'aille peur. OK. Non, faut pas t'aille peur du noir parce que ça en est une vraie. Même opaque, là. Je dirais même. OK, quand même. Je dirais siroté. Tu sais, comme un petit sirop. Ouais, là, c'est fleur, ça. Tu peux la mettre sur tes gaufres le matin. Non, mais on sent vraiment... Moi, je pense que c'est une bière qui est très maltée. Si okay. t'aimes pas le goût du malt, désolé, je m'en excuse. Mais je pense que son 10% d'alcool ouais. fait dans des jeux comme ça, où c'est du sabotage, ça devient un petit peu plus ricaneur, tout ça. C'est sûr qu'il y a une amertume en fin de bouche, mais il y a des rondeurs de chocolat. OK, quand même. C'est frais, plus frais dessert. Moi, je dirais que ça s'implémente plus au dessert. Moi, je pense que pour une bière comme ça, payer 4-5$, c'est pas cher payé. Non, quand même. C'est une bière qui se vend bien. En plus, elle vient de la région. Donc, elle vaut la peine d'être essayée, les amis. Voilà. Bien, merci beaucoup, Alfalfa. Ça fait plaisir. Ce fut une chronique bien remplie. Mm-hmm. Si jamais on n'a pas le goût de payer une 70aine de dollars, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, je sais pas dans la région, mais je sais qu'à Québec, il y a le bar La Revanche. Est-ce que tu connais La Revanche? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas certaine. Dans le fond, c'est un bar jeu de société. Donc, tu t'en vas à ce bar-là et avec tes amis et tu prends le le forfait oui? Repas, tu vois, avec un forfait jeu de société. Donc, tu peux demander de jouer à des jeux précis et ce bar-là offre le service de jeu de société. Donc, mémoire, c'est une dizaine de dollars pour avoir accès au jeu. OK. Et il y a un spécialiste qui vient te présenter, dire le règlement et comment ça fonctionne, t'explique le jeu et tu peux y jouer pour une durée de temps X jusqu'à ce que tu aies fini ton repas. Donc, de se présenter à ce type d'endroit-là, une des très bonnes alternatives que tu peux faire. Parce que c'est sûr que tu ne posséderas pas le jeu. Non, c'est ça. Tu ne possèdes pas 74$ à dépenser dans un jeu qui vaut, selon moi, vraiment la peine, parce que il veut pas, il y a 4 millions d'exemplaires vendus. Ouais, quand même. Que tu peux pas le trouver sur un de tes amis ou un de tes chums parce qu'il y en a 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Tu vas dans ce genre de boutique-là, qui sont des boutiques qui sont un peu comme nous, les ateliers du Père Noël. On est tous des experts là-dedans, puis on connaît tout notre créneau. Donc, selon l'expert que tu rencontres au café, il va te présenter des jeux. Okay. Et moi, c'est une façon des fois d'aller voir des jeux que je connais pas parce que je vais voir d'autres lutins, puis je m'assieds avec eux, puis ils me présentent des jeux. Comme ça, j'en découvre des nouveaux. De les essayer avant de les acheter. Et voilà. Et c'est important des fois de les essayer parce qu'il y a des jeux que j'ai essayés. Je vous ai présenté Zack et Pac, entre autres, avec le déménagement. Mm-hmm. Et ce jeu-là, si je l'avais pas essayé, j'aurais pas tombé autant en amour avec. Ah, c'est ça. Et là de me le faire présenter comme « Ah, c'est un jeu de déménagement, OK. » Mais non. Là, ils me l'ont présenté. Ils m'ont dit « Ah, c'est ça comme ça que ça joue. C'est le fun. Ce monde-là connaisse les jeux. Ils veulent que t'aimes les jeux. Ils veulent que t'en achètes parce qu'ils aiment ça. C'est une passion qu'ils transmettent. » Donc, entre autres, le bar La Revanche à Québec, il surcharrait, fait ce genre de choses. Et justement, dans les nouveautés qu'ils présentent cette semaine, c'est quoi? Ooh. Mon premier voyage, Les Aventuriers du Rail. Ah, pour vrai? Ben oui. Donc, eux autres, ils le vendent 60$, un petit peu plus cher que tantôt, parce que c'est un bar qu'ils vont te le présenter en plus. C'est ça. Donc, eux, c'est vu que c'est un bar-restaurant, avant, de mémoire, ce genre de place-là, avant 20h, c'est un restaurant. Et après, si t'avais un bar, donc moins de 18 ans, désolé. Ah. Et La Revanche, qui est une place pour les passionnés, pour le monde qui aime ça. J'ai fait une petite pub gratuite. Non, c'est pas du placement de produit. Ils m'ont pas payé pour faire ça. Ils m'ont pas amené tout pendant. Mais c'est une alternative que je trouve intéressante. Des clubs de jeux de société, sinon, vous pouvez toujours trouver du monde qui les passe. Des soirées de jeux de société, ça se trouve très bien sur les médias sociaux. Ah, okay, si oui. Vous aimez ça, n'hésitez pas à m'écrire au alfalfa alfalfa le lutin sur Facebook pour plus d'informations. Merci beaucoup, Alfalfa. Un plaisir. Nous, on va aller écouter Get Love de Napalpum et au retour, on va discuter greffe de tête. Oui, oui. Where on the color bleak to sun. Get Love de Napalpum, une pièce, une nouvelle entrée en fait du palmarès anglophone cette semaine, une pièce qui bouge, qui est très très très écoutable. J'ai toujours en studio avec moi Alfalfa le lutin. Ah non, Alfalfa a quitté. Semblerait que Alfalfa ait disparu comme ça, pouf. Mais il est revenu d'aller chercher un café, par exemple. Il fait du bien matin, lui. Ah ouais, ça doit. C'est Xavier Mieklich qui était là avec moi un petit peu plus tôt durant l'émission. Xavier, avant que tu quittes pour aller chercher ton café, tu veux parler de grève de tête? Ben oui, c'est ça. Ben là, tu sais la fameuse phrase, c'était le dernier abjet dans le sac, dans le sac à face. Ouais. Ce ne sera plus valide. C'est ça que tu m'apprends? C'est ça que je t'apprends en fait. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est une blague, mais c'est pas une blague. C'est la première greffe de tête qui va avoir lieu vers la fin 2017. Donc, on calcule décembre 2017, en fait. Puis, c'est un chirurgien italien qui promet la première greffe de tête humaine qui va être utilisée selon la réalité virtuelle. Est-ce que la photo que c'est un vrai c'est un montage, là? Lequel? La photo que le gars coupe les cheveux d'une tête dans une oui, tête. C'est un montage, c'est un Photoshop, ça, Xavier. Je pensais que c'était la tête qui allait creffer. C'est vrai, j'allais dire, c'est vraiment lourd, mais c'est vraiment lourd, là. Excuse-moi, désolé. Mais non, mais écoute, il n'y a pas de problème. On fait la première greffe humaine sur un corps sain. Donc, on va prendre le corps de quelqu'un qui a été décédé du cerveau, là, qu'on appelle ça être brain dead, en fait. Et on va prendre le corps. Et on va prendre la tête d'un jeune homme qui est, attention, Valérie Spiridonov, qui a été volontaire pour la transplantation. En fait, qui est-il? C'est que Valérie Spiridonov, c'est un Russe âgé de 30 ans qui est atteint d'amyotrophie spinale. Donc, c'est une maladie incurable. C'est une maladie, en fait, qui fait que il y en a qui réussissent sur le moment à marcher. Mais lui, non. Lui, il est pris en chaise roulante. C'est ça, exactement. Donc, il s'est porté volontaire, en fait, pour implanter sa tête sur le corps de la personne qui a été décédée au niveau du cerveau. Et bien que la transplantation, oui, comporte beaucoup de risques, il est quand même très impatient de voir le résultat. Et c'est grâce à la réalité virtuelle qu'on va pouvoir lui offrir cette version un petit peu de se dire, OK, ben là, tu vas avoir un corps, contrairement à toutes ces années où tu as été en chaise roulante. Là. Quand tu dis réalité visuelle, c'est qu'il ne marchera pas pour vrai? Non, en fait, on va l'initier au fait qu'il va y avoir un corps avec la réalité virtuelle. Et par la suite, lorsqu'il va avoir la greffe, bien la réalité virtuelle va avoir aidé au fait que là, il va pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement avec ça. Avec ses mains. Exactement. Donc, comment... excusez-moi, là, c'est fou un matin, là, mais là, j'étais là. Le gars, c'est cool, là, t'es en chaise roulante, mais maintenant t'as un corps, mais t'es pogné en réalité virtuelle. Bien joué. Oui, c'est ça. Donc, le neurochirurgien dont on parle, c'est Sergio Canavero. C'est un Italien qui est chirurgien à l'Université de Turin. On parle d'un spécialiste de la stimulation cérébrale et son projet est pourtant vraiment très incroyable. Si on regarde ça comme ça, on parle justement de transplanter la tête d'un homme sur le corps d'un autre. Donc, ça ressemble un peu à un Frankenstein, si vous regardez ça bien comme il faut. Si vous y pensez aussi, si vous y pensez trop longuement, c'est un peu épeurant. Mais en fait, c'est un peu épeurant, mais on va appliquer certaines situations sur les deux corps. Donc, il faut coordonner une équipe environ de 100 à 150 chirurgiens. La chirurgie devrait durer aux alentours de 36 heures, donc c'est vraiment long. On parle de certains anesthésiologistes, des techniciens, des infirmières. On évalue aussi une transplantation de tête à 10 millions d'euros, ce qui est très, très dispendieux. Fait que finalement, c'est pas une... ils font pas ça pour... Tu sais, moi, je pensais que ça allait être plus au niveau physique, là, pour la beauté de ça. Cette chirurgie-là serait offerte aux monde qui ont des problèmes de santé. Exactement. Donc, c'est pas une chirurgie qui serait accessible à tous, là. Non, non, non, c'est sûr. Tu peux pas décider, toi, par exemple, de te faire... Vu que j'ai l'air d'un enfant de 12 ans. De te faire couper la tête pour la mettre sur le corps de quelqu'un d'autre. En fait, l'opération va se faire en 4 étapes. Donc, il va y avoir 2 équipes qui vont travailler en parallèle sur un receveur qui va être très, très, très... tétraplégique et un donneur qui est mort cérébral, comme on disait tout à l'heure. Et la première étape va être de refroidir la tête du receveur à 15 degrés. Donc, on va le mettre en fait en hypothermie et ça va ralentir le métabolisme du cerveau pour qu'il ne subisse pas de dégâts au niveau de tout ce qui est cérébral. Donc, on va tenter de garder justement tout ce qui est mémoire, tout ce qui est motricité et tout ça intact grâce à l'hypothermie. Et durant cette période-là, on ne sera pas irrigué non plus au niveau du cerveau. Par la suite, la deuxième étape, c'est qu'on va dégager les muscles et les vaisseaux sanguins du cou. Donc, la trachée, l'œsophage, tout ça. On parle aussi de la thyroïde qui va être conservée. Puis, c'est l'incision simultanée des moelles épinières à l'aide d'une lame ultra fine qu'on va procéder à la deuxième étape. Donc, c'est sûr que si on regarde ça comme ça, ça vaut le 150 docteur qui va être autour de la table. Mais c'est... Tu sais, moi, j'ai été opéré plus jeune et ils ont touché un nerf. Mm-hmm. Puis j'ai une micro-paralysie. Ils vont y insérer dans moi l'épinière. Oui. Ils vont continuer à marcher. Oui. Faut dire que le bout qui fonctionne déjà plus, c'est pas grave, là. C'est ça. Mais il va falloir comment qu'ils vont joindre les deux? Bien, en fait, c'est dans les prochaines étapes, la tête du receveur va être transférée sur le corps du donneur. Donc, la personne qui a été mort cérébrale, lui, on conserve son corps au grand complet. On va prendre la tête qui est en hypothermie et on va venir la joindre au corps de façon immédiate. Et on va prendre les axones de la moelle épinière, ce qui est 10% seulement sur des milliers, mais qui sont suffisantes, oui, pour retrouver cette motricité-là, comme par exemple toi et moi. Là, la motricité va être à ce niveau-là, avec beaucoup de pratique, évidemment. Là, on va avoir de la physiothérapie et tout ça. Mais on va reconnecter tout ça grâce au mélange PEG, chitosane et toutes les parties qui vont être sélectionnées. Donc, on va venir en fait coller tout ce qui était tout à l'heure traché, vaisseaux sanguins, muscles, la thyroïde aussi. Donc, tout ça va être reconnecté de la tête au corps et c'est un traitement immunosuppresseur qui va être mis en place. Mais, Oui, vas-y! C'est peut-être moi qui est imbécile, là, mais faut que t'aies le même temps que l'autre, hein? C'est sûr que... Donc, tu mets la face de la tête de quelqu'un qui vient de l'Asie sur un corps d'un monsieur africain. Mm-hmm. Ça se peut? Ouais. Mais non, mais c'est peut-être moi qui est con, là. Excusez-moi, c'est fou, là, mais ça se peut que ça fitte pas, hein? Ben, ça se peut que ça fitte pas, mais c'est pour ça qu'on parle d'une expérience et c'est pourquoi on parle aussi d'un volontaire à se faire implanter la tête sur un nouveau corps. Mais tu sais, genre, c'est parce qu'il sait qu'il y a des risques. Non, il y a des risques. Ils font ça avec des cheveux, tu sais. Je pense à Leucan, entre autres, qui coupe des cheveux pour faire des perruques. Ouais. Puis c'est difficile de trouver du monde qui a à peu près la même couleur de cheveux, trouver la même couleur de peau. Là, c'est une autre game, là. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une étude de tout ça, là. On parle... au début, il y avait des problèmes, justement. C'est qu'on trouvait pas le corps pour pouvoir fonctionner avec la tête. Parce qu'il faut que ça corresponde, là, quand même. Là, tu parlais de teint et tout ça. C'est sûr que du côté de teint... Si ça te dérange pas, tu peux mettre du fond de teint, là. Non, mais il y a peu de gens qui... Attends, là. Passe aux asiatiques sur un malgache, là. Ben là... Mais on y pense quand même. Non, mais faut que tu y penses. C'est plus que du fond de teint, là. C'est du maquillage permanent. C'est sûr. Mais tu sais, on pense entre autres, moi, je pense, exemple, ton cerveau est une façon de coordonner les choses. Oui. Des longueurs de bras, de jambes, de tout ça. Si le gars il mesurait 4 pieds 2, il embarque un gars de 8 pieds, ça se peut qu'il, t'sais, son cerveau coordonne pas tout à fait les. Mais c'est ça. Pourquoi on va utiliser la réalité virtuelle en fait. C'est selon le magazine de la réalité virtuelle et augmentée, le système de réalité virtuelle a été mis au point justement par la firme américaine qui s'appelle Inventum Bioengineering Technologies et selon le chef exécutif de cette entreprise-là, les dernières avancées en réalité virtuelle ont été combinées justement pour développer le premier protocole protocole de préparation des patients qui vont recevoir cette greffe-là et pour la liberté corporelle aussi après une procédure de transplantation. Mais ça, Donc, pour vrai, moi, je suis... aujourd'hui, je vois ça. Je vois que la technologie avance. Je vois cette nouvelle réalité-là qui s'en vient, qui va sauver... probablement plusieurs personnes qui ont des problèmes physiques et qui veulent marcher, qui auraient pu être... je pense entre autres au grand scientifique là, qui est en jour vivant, qui était censé... Voyons. Ben là, tu m'intrigues. Non, c'est le scientifique qui est super intelligent, qui a parlé de l'espace, du temps, qui était super brillant, mais ça, il y a une maladie dégénérative. Oui, je sais de qui tu me parles, mais le nom m'échappe. Voilà, il y a un film sur sa vie récemment. Oui, exactement, oui, c'est ça. Lui? Les deux, le nom nous échappe, ouais. Voyons. En tout cas... Lui, tu sais, que ça aurait pu aider, tu sais, c'est un grand... Oui, c'est ça. Mais il est toujours vivant, là, il donnait 2 ans de vie, là. Oui. Mais tu sais, lui, clairement, ça aurait pu être des choses qui l'aident. Mais je vois aussi que le métier de physiothérapeute, d'ergothérapeute, va changer. Ah, c'est sûr. Va, il y en a beaucoup ici à l'UQTR. Le métier de physio puis d'ergo va changer parce que cette nouvelle-là risque de modifier leur façon de travailler. Clairement. C'est sûr que tu veux travailler avec la réalité virtuelle. C'est sûr que c'est pas ton patient en soins palliatifs qui aura besoin de cette réalité virtuelle-là. Non, en effet. Mais ton jeune de 8 ans qui manque un membre, ton jeune de 7 ans qu'il faut qu'après ils vont greffer un bras ou une prothèse, la réalité virtuelle va venir améliorer ce service-là, je pense, que les physios et les ergos offrent. Je pense que la réalité virtuelle, il y en a qui pensent, plusieurs pensent que c'est négatif, plusieurs pensent que ça cause certains problèmes. C'est sûr que d'un mauvais côté, il y a toujours un mauvais côté. Ben oui, à tout. C'est sûr. Mais il y a aussi un mauvais côté sur le fait que la greffe peut être rejetée, le corps peut être rejeté, vice-versa, la tête peut rejeter le corps. Donc, il y a une possibilité à ce que cette greffe-là ne soit pas numéro un là, après tout le temps. Parce que les seuls essais qu'on a fait, en fait, étaient sur des animaux, puis ils sont décédés quelques jours après la greffe. Donc, de le faire sur un humain, c'est quand même aussi une grosse demande. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que le monde, ça, on parlait avec M. Cartin, il disait qu'il était très, très gamer aussi. Pis, oui. Moi, je pense que la technologie, oui, peut nuire à certains points, mais peut aussi avancer certains points. Dans le même ordre d'idée, j'ai plusieurs personnes dans ma famille plusieurs personnes que je connais qui ont des greffes soit de peau. Là, les membres, maintenant, commencent à être greffés pour que le monde soit plus. Et même que maintenant, ils peuvent faire des prothèses robotisées. Oui. Contrôlé par le cerveau. Ben oui, clairement. Donc, cette nouvelle réalité-là, pour un physiothérapeute, pour un médecin, pour ça, c'est une nouvelle réalité à s'adapter. Et qu'est-ce que demain, on va devoir faire avec ça? On ne le sait pas encore. Les impacts de ça, on ne le sait pas encore. Non, c'est ça. C'est une nouvelle venue dans la médecine. Je pense que ça me fait un peu penser à la fameuse saga du beurre margarine. Est-ce que tu as connu cette... Ouais. Donc, on a essayé quelque chose, le beurre. À un moment donné, le monde a fait « je pense que c'est pas bon ». Là, ils ont mis la margarine là-devant, mais finalement, la margarine, c'est pas mieux, fait que le beurre, fait que là... Puis finalement, le beurre, c'est ce qui est le mieux parce que c'est le matière animale, puis c'est ça. Donc, en ce moment, je pense que c'est un peu ça qu'on vit. On vit qu'il y a plusieurs façons, plusieurs alternatives offertes, que je pense au pétrole, ils essaient de trouver plusieurs alternatives pour le diminuer. Je pense à la médecine qui essaie de trouver plusieurs façons de régler plusieurs maladies, que ce soit le sida, le cancer, les maladies graves de ce monde... l'Ebola, ça va comme ça. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on fait les bons mouvements? On ne le sait pas encore. Donc, on ne sait pas. Pour ceux qui pensent à les impacts futurs, là, pour ceux qui ont la philosophie futuriste, là, qui pensent aux impacts, moi, je me dis toujours, il faut essayer. On n'a rien à perdre dans la vie. C'est sûr qu'il va y avoir des impacts, mais peu importe comment tu le réalises, ce changement-là, il y a des impacts. Puis ce que tu fais a des impacts. Je pense à nos voitures, ils pensaient que c'était la meilleure idée parce qu'ils avaient enlevé les chevals, ça donnait le champ. Ouais. Tu allais plus vite, tout ça. Mais ça a un impact super positif sur le tourisme et tout ça. Mais en même temps, en ce moment, c'est en train de détruire la planète. Donc là, il faut qu'ils trouvent une alternative. Mais est-ce que notre alternative va être mieux que ce qu'on pense? Est-ce que d'utiliser des matières, des déchets qu'on produit est mieux? Parce qu'un jour, peut-être qu'on produira plus de déchets parce qu'on justement, on va tellement savoir améliorer sur le compostage. Tout. Mm-hmm. Fait que là, c'est un cycle sans cesse. En effet. Et cette greffe de tête-là va peut-être pousser encore plus la médecine. Peut-être, probablement. En fait, on va devoir se tenir au courant et voir. Parce que je le répète, ça va être d'ici fin décembre. Là. Donc, en fait, fin 2017. Donc, décembre 2017, ça devrait être dans les alentours où cette greffe-là va être produite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est déjà ce qui met fin à l'émission, ce fameux sujet de conversation-là. On n'a pas parlé assez longtemps. Ben non, je sais. Mais si vous, ça vous intéresse, restez en onde parce qu'à 10h, il va y avoir Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel. Il va y aussi y avoir l'émission Rock de Neurone un petit peu plus tard. À 14h, je serai de retour en onde pour l'émission En piste avec Tania Baudin, émission de sport automobile. Donc, on va faire le retour sur la première course de Formule 1. Ce qui s'est passé aussi Lance du côté... Stroll, un Québécois en Formule 1. Exactement. Ce qui s'est passé aussi du côté de NASCAR. Alors, Audiomatique un petit peu plus tard à 17h. Par la suite, L'Obtrotter à 19h. Radio Sonic 20h. Tout ça sur les ondes de Cifou 89 FM. Et nous, on se dit bonne journée et surtout, bon café. Bye!